Kinosaal. Verstehen, wer wir sind. We are of heaven. Wir sind aus dem Himmel. Nous sommes du royaume des cieux. And we are to understand it. Und wir sollten das verstehen. Et on doit le comprendre. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. And also we go through some part of, you know, the end of what we went through on Wednesday. Amen. On va continuer aussi la partie qu'on avait comme quickly go through the Amen. On avait encore conclu mercredi. Praise the Lord. Hallelujah. The fall of man is a colony declared independent from the kingdom. Durch den Sündenfall hat sich eine Kolonie von dem Königreich abgekapselt und sozusagen unabhängig erklärt. L'être humain il avait déclaré l'indépendance au royaume des cieux. Man declared independent from the only true God. That is the fall of man. Der Mensch hat die Unabhängigkeit von dem einzig wahrhaftigen Gott vollzogen und das ist der Sündenfall. La chute de l'homme, c'était quand l'être humain a déclaré l'indépendance au seul vrai bon Dieu. And Satan became their God. Und der Satan wurde zu ihrem Gott. Et le diable était devenu leur Dieu. Instead of them being gods. Statt dass sie Götter sind. Au lieu que eux-mêmes puissent être des dieux. Praise the Lord. Hallelujah. The spirits did not only leave. Der Geist ist nicht nur gegangen, als der Mensch gefallen ist. L'esprit n'était pas seulement parti quand l'être humain a gaffé. Man was out of position with heaven. Der Mensch war nicht mehr im Einklang mit dem Himmel. L'éternel, l'être humain n'était même plus en connexion avec les cieux. Man was no longer having connection with heaven. Der Mensch hatte keine Verbindung mehr mit dem Himmel. L'être humain n'avait même plus de connexion avec les cieux. Praise the Lord. Il était même plus en bon terme. The doors of heaven were shut. Die Türen des Himmels waren geschlossen. Against man. Gegen den Menschen. Les portes des cieux étaient fermées contre oui, pour l'être humain. Praise the Lord. Hallelujah. Again, the Holy Spirit did not only leave man. Nicht nur der Heilige Geist hat den Menschen verlassen. Donc c'était pas seulement le Saint-Esprit qui avait abandonné l'être humain, l'homme. On Wednesday we were in Genesis 3:9. Am Mittwoch waren wir bei 1. Mose 3:9. Mercredi, on avait lu Genèse 3:9. Amen. Amen. Genesis 3:9. 1. Mose 3:9. Genèse 3:9. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where are thou? Where are you? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, if the Lord wants you to be in a place, and once he sees you, he's going to ask you, where are you? Wenn der Herr möchte, dass du an einem bestimmten anderen Ort bist und er dich sieht, wird er dich darauf ansprechen und dich fragen, wo bist du? Ici on dit que le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda où es-tu. Ça signifie que quand l'Éternel veut que tu puisses être dans un lieu particulier, il va se demander si tu n'es pas là, il va se demander où est-ce que tu es. I know you have been asking people that left this ministry, asking them, where are you? Ich weiß, dass er Leute, die diese Gemeinde verlassen haben, fragt, wo bist du? Et je sais qu'il a, que lui, maintenant, il demande aussi aux gens qui ont abandonné l'église, par exemple, où ils sont. Praise the Lord. Hallelujah. Just like he asks, you know, Adam, where are you? Genauso wie Adam gefragt hat, there's this connection between you and me. Es gab eine Trennung zwischen dir und mir. Tout comme il a demandé à Adam où il est parce qu'il savait qu'il a eu une déconnexion avec Adam et lui-même. Amen. Amen. We all know that God knows where everything is. Wir alle wissen, dass Gott weiß, wo alles ist. Et on sait que nous tous, on sait que Dieu il sait où les, il sait tout en fait. And he asked this question, where are you? Il a cette question, où est-ce que tu es? Mais malgré il sait tout, il s'est demandé, il a demandé à Adam où il est. Praise the Lord. Hallelujah. And we are quite aware that the Bible describes God as omniscience. Wir wissen, dass Gott genau ist. Et on sait que Dieu il est vraiment omniscient. And it means all-knowing. All-knowing. All-wissend. Et ça signifie qu'il sait tout. Praise the Lord. Hallelujah. And God is also omnipresent. Und er ist auch allgegenwärtig. Et il est aussi omniprésent. And it means he is always, everywhere, at all times. Er ist immer überall zu jeder Zeit. Et il est toujours partout dans le dans chaque temps, chaque moment. À chaque endroit, à chaque moment. You know, people say it's not only here that there is God. It's true. He's everywhere. Leute sagen nicht nur in dieser Gemeinde ist Gott, sondern überall. Aber das stimmt. Er ist doch überall. Les gens disent que oui, Dieu n'est pas seulement ici. Il n'est pas seulement ici dans cette église. Oui, c'est vrai. Il est partout. There is a difference between God is everywhere and God is in you. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Gott you. Ist überall und Gott ist in dir. Et il y a mit dir. Mais il y a une différence entre Dieu est avec toi ou Dieu est en toi. Non, il y a une différence entre Dieu est partout ou Dieu est avec toi et en toi. Oh, merci. That he said that he is in everywhere. He is everywhere does not mean you are everywhere. That you should be everywhere. He always still have a place for you. Nur weil er überall ist, heißt es, dass er überall sein soll. Er hat doch dennoch einen Platz für dich. The place where he wants you to be. Ein Ort, an dem er dich haben möchte. Pas seulement parce que lui, il est partout, ça signifie pas que il ne veut pas que tu puisses être dans un endroit spécifiquement pour toi. You don't you pick and choose where you want to be. He directs you. He's the one to choose for you. You listen to him. You choose by him. Nicht du entscheidest, wo du sein sollst, sondern du lässt zu, dass er für dich entscheidet. Où tu sein sollst. Malgré il est partout, c'est pas toi, ce n'est pas à toi de décider où tu vas partir, c'est lui qui va te guider. Amen. Man always want to choose where it makes sense to them. Aber der Mensch, what makes sense and where makes sense. In am sinnigsten ist zu sein und nicht zu sein. Mais l'être humain lui-même, il veut toujours décider où être, où est-ce que ça a du sens pour lui à être ou pas. Man never know anything good. Der Mensch weiß nicht, was gut für ihn ist. Mais l'être humain ne sait jamais qu'est-ce qui est bon pour lui. You can only know what is good through Christ. Du kannst nur wissen, was gut ist durch Jesus Christus. Tu peux seulement savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon à travers Jésus-Christ. Amen. Amen. The first good man. We are in Genesis now. Go to Genesis 3. On va lire Genèse 3. Genèse 3, verset 6. The first good. Amen. Das erste Gute. La première chose qui dit. The first thing man called good. Die erste Sache, die der Mensch gut genannt hat. Evil. Ist aber gleichzeitig die Sache, die der Herr bösartig nennt. On va voir que la première chose que Dieu a dit que c'est bon, c'est le fait que le que l'être humain a dit que c'est bon, que c'est vraiment la chose que Dieu a dit que c'est mauvais. He said, and when the woman saw that the tree was good for food, it was good. He called that, you know, he called it good. Sie hat es gut zu essen genannt. On voit ici verset 6, Genèse 3, verset 6, que la femme, elle a vu des fruits agréables, elle a vu que c'était bon, c'était agréable. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And also, we all know that God is omnipotent. Wir wissen, dass Gott allmächtig ist. Allmächtig. Okay. On sait que l'Éternel, il est omnipotent. It means, you know, it means he is all powerful. Yes, allmächtig. Ça signifie qu'il a vraiment beaucoup de puissance, il a toutes les puissances. Amen. And in Genesis 3:9, God asks question which does not even make sense to, you know, to man, because man will say, but you know everywhere, you know where these people, you can see them, you know where they are. Und why ask him, where are you? Und der Samuel 3:9 stellt Gott eine Frage, die wo der Mensch vielleicht denken würde, okay, aber wenn er doch allgegenwärtig, allwissend und allmächtig ist, weshalb weiß er denn nicht, wo Adam ist? Das Mais macht doch keinen Sinn. Ici à Genèse, quand il demande à Adam où il est, l'être humain, lui, par exemple, avec ses pensées, il se dit aussi, mais ça n'a pas de sens, parce qu'on voit qu'il est omniprésent, omnipotent et omniscient, mais comment ça, il demande maintenant à Adam où est-ce qu'il est, pourquoi il ne sait pas? Praise the Lord. Hallelujah. God was not referring to a location, to the location, because he knew where he was. He was referring to a disposition. Amen. Gott bezog diese Frage nicht auf einen irdischen Ort, geografischen Ort, sondern er bezog es auf einen geistlichen Ort, eine geistliche Verfassung, der Adam sich eben nicht befunden hat, weil er nicht in seinem Willen war. En fait, l'Éternel, mais nous qui avons la vérité, on connaît que, on comprend que quand Dieu a demandé à poser Adam cette question, il ne référait pas sur la position physique d'Adam, mais il parlait de la position spirituelle d'Adam, parce qu'il a été désobéissant et il n'était pas où l'Éternel, donc il n'était pas dans la position où l'Éternel voulait qu'il puisse être. Et c'est pour cela qu'il a demandé, mais pourquoi tu n'es pas, genre, pourquoi tu n'es pas là où... je t'ai envoyé ou bien oui, là où tu dois être. Merci. It means Adam was out of position with heaven. Das heißt, Adam war nicht mehr Einklang mit dem Himmel. Ça signifie que Adam n'était pas il n'était pas vraiment il n'était pas dans la même connexion avec le ciel. Praise the Lord. Amen. We have to prove ourselves if we are in position with the Lord. Wir müssen uns selbst prüfen, ob wir noch im Einklang mit dem Herrn sind, im Einklang mit dem Himmel sind. Et c'est pour cela on doit vraiment s'examiner soi-même, pour on doit se demander nous-mêmes, est-ce qu'on est là où l'Éternel veut nous voir ou nous avoir? Est-ce qu'on est vraiment en connexion avec lui? Praise the Lord. Amen. You know, notice something in the book of Isaiah 53, verse 6. Let us go there, please. Isaiah 53. Isaiah 53, verse 6. He said, are we like sheep? Have gone astray. We have turned everyone to his own way. Amen. Amen. We are turned away from him. When Adam fell, man turned away from heaven. Wir haben uns alle von ihm abgewandt. Als Adam gefallen ist, hat der Mensch sich vom Himmel abgewandt. Donc nous tous on a subi le même sort d'Adam. He said, each of us have turned to his own way. Amen. We are still doing it today. Et comme Adam avant, on continue à le faire toujours aujourd'hui. Amen. On choisit toujours nos propres chemins. Praise the Lord. Alléluia. Is it about Christ for you? Est-ce qu'il s'agit de Jésus-Christ dans ta vie ou bien il s'agit que de toi-même? Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The whole world has gone astray from the kingdom that used to rule them. That used to rule us. Die Menschheit hat sich abgewandt von dem Königreich, was uns eigentlich regiert hat. Oui, l'être humain est vraiment c'est oui a tourné le dos au royaume qui se chargeait de nous. If whatever decision you are taking is not coming from him, you have gone astray. Wenn die Entscheidung, die du triffst, nicht von Jesus ist, hast du dich abgewandt von donc, ihm. Donc si tu es dans un, si tu es, wenn die Entscheidung, die du triffst, nicht von ihm ist. Si la décision que tu prends, c'est pas de, de lui, ça signifie que tu te détournes de lui. Amen. We declared independence from the kingdom. Then, even we are still doing it now. People are still doing it. They leave him, they reject him, they forsake him. Wir haben dem Königreich die Unabhängigkeit erklärt und auch heute tun das heute Leute. Remember immer. Those that left here, for example. Donc, on voit que Adam et Eve, ils ont déclaré l'indépendance à Dieu. Et c'est comme, tout, comme aujourd'hui, il y a des gens qui veulent toujours guider leurs pas jusqu'à présent eux-mêmes. Erinnert euch an die Leute, die hier weggegangen sind. Comme, tout comme les gens qui sont quelques, chaque, tout comme quelques personnes qui étaient ici une fois. You know, if you are looking for any reason to live here, Satan have a lot of reasons for you. Wenn du nach einem Grund suchst, die Gemeinde zu verlassen, hat der Satan, look so good, sound so good. Hat der Satan sehr viele Gründe, die du nutzen kannst, um hier zu, wegzugehen. Si tu cherches une raison à laquelle tu peux utiliser pour quitter l'église, le diable a vraiment beaucoup de des raisons qu'il peut aussi te donner ou bien oui, parce que qui ont vraiment aussi du sens naturellement. Amen. Amen. But with Christ, accept whatever reason you have. Aber Christus, that is what you are to question. Akzeptieren the reason of my taking this with Christ, listen, with Christ, accept it. Mm-hmm. It's not what I will accept. It's not what people will accept. It's not what it's what Christ will accept. Mm-hmm. Your mother, or your father, or your friends, your best friend will accept. Mm-hmm. But what Christ we accept. Amen. Diese Gründe, sind sie nur plausibel für den Menschenverstand oder sind sie auch plausibel für Jesus Christus? Mais la raison laquelle tu veux par exemple quitter l'église, est-ce que c'est une raison vraiment aussi compréhensible pour valable pour toi, pour tes amis ou bien pour tes parents ou bien c'est valable pour l'Éternel parce que à la fin, c'est seulement lui qui compte. Amen. Amen. If you go to 1 Samuel 8, si tu lis 1 Samuel 6, amen. 8, he always desired to rule us. Wünscht sich always desired to rule us. Über uns zu herrschen. Là, l'Éternel a toujours désiré de régner sur nous. Amen. Amen. It's like a baby that you have. You know, you're always there to guide that baby, to rule, amen, to direct that baby. But that baby, if that baby keep on saying no, no, no, no, the baby never know anyway. Amen. Und so wie eine Mutter, die auf ihr Baby aufpasst und über dieses Baby sozusagen regiert, indem es auf dieses Baby erzieht und aufpasst, aber wenn sich dieses Baby immer wieder querstellt und weigert, dann c'est tout comme un bébé, par exemple, quand tu as un bébé et lui, il veut faire ce qu'il veut, donc tu vas commencer aussi à tu dois apprendre à éduquer ce bébé là par exemple tu vas vouloir régner sur ce bébé pour qu'il ne puisse pas être mal éduqué voilà. And that baby is saying I want to do this alone, I want to do this, I want to have my bath, I want to eat, I want to do everything, I want to go to store and buy something and come and cook alone, I want to now you can see that he just you cannot if you can do nothing without me. And so is Christ and you and me. Yeah. Wenn dieses Baby die ganze Zeit versucht, keine Ahnung, die Wohnung sauber zu machen, nach auf Jobsuche zu gehen, keine Ahnung, Einkäufe zu erledigen, dann würdest du auch sagen, was ist los mit dir? Sei doch einfach ein Baby. Ne? Ich bin doch dafür verantwortlich. Hör auf zu arbeiten, hör auf der Arbeit zu suchen. Lass mich doch einfach auf dich aufpassen. Nee, das Baby wird gar nicht in der Lage sein. Genau, und das Baby wird ja auch gar nicht, natürlich wirst du auch sagen, lass es bleiben, weil es ist immer noch ein Baby und es kann ja gar nicht diese ganzen Sachen machen, was es sich in den Kopf gesetzt hat, zu machen. Imagine un bébé, par exemple, si tu as un bébé d'un an ou quelque chose comme ça, et ce bébé-là, il veut partir cuisiner, acheter à manger et chercher même du travail, quelque chose comme ça. Donc, ça n'a pas du sens. Un bébé n'est pas capable de faire quelque chose comme ça. Toi, étant maman ou papa, tu vas dire, tu vas savoir que le bébé n'est pas capable à faire des histoires ça par lui-même. C'est toujours, c'est aussi comme ça avec nous et Jésus-Christ. Nous, devant lui, nous sommes des bébés d'un an qui ne sont pas capables à faire n'importe quoi sans lui. Et c'est pour cela qu'il veut être en charge. And that baby is saying, I want to go to work so that I can earn money and come and feed you. And come and cook and buy food in Aldi or whatever store. They bring them home. They a baby that is a year or 2 years old. I want to do everything. I want to cook. You know, the father will say, what is wrong with you? Are you? He can, you know, the mother, the father, will, if God can be confused, he will be confused concerning us. Ja, und wie gesagt, dieses Baby macht halt Dinge, die halt keinen Sinn machen für ein Baby. Ne? Es tut Arbeit, es will einkaufen und so andere Sachen. Und es würde dich als Mutter natürlich verwirren, weshalb das Kind so ist. Und wenn Gott verwirrt sein könnte, dann würde es ihn verwirren, weshalb wir uns als Babys so anstellen. Mm. Et tout comme un bébé, par exemple, si ce bébé fait des histoires comme ça, tu vas te demander, mais ça n'a pas du sens, un bébé qui a un an, qui n'est même pas capable à parler, ou il veut maintenant me dire, un bébé qui veut me dire maintenant qu'il veut être chargé à tout faire, ça n'a pas vraiment de sens. Oh, that baby, you know, you have appointment in one office or the other, and you have to go there. And that baby is so worried that what am I going to say? What are they going to ask me? That baby is so worried. And the mother is there looking and saying, hey, is it your business? Why don't you allow me to do that? Are you getting it? Mm-hmm. So are we before Christ. Ja, oder das Baby hat ein Bewerbungsgespräch klar gemacht und geht jetzt auch auf den Weg dahin. Und das hat ja keinen Sinn. Und so ist es halt für Christus, wenn wir halt diese ganzen Sachen machen, ohne ihn halt. Et tout comme un bébé comme ça, imagine ce bébé à un interview dans un travail et il se demande mais qu'est-ce que je veux dire dans cette interview, qu'est-ce que je veux, est-ce qu'ils vont même me prendre. Mais c'est un bébé d'un an, il n'est pas capable à, oui ça n'a pas de sens qu'un un petit bébé comme ça puisse partir dans ses pensées jusqu'à là. Amen. Yes, sir, you know that baby saying that people hate me. Is that your business? Jesus said, without me, you can do nothing. Without the parents, the baby, that little child can do nothing. Jesus sagt halt, könnt ihr nichts tun. Ne? Ohne mich ist dieses Kind halt zum Scheitern verurteilt und wird irgendwann sterben. Et l'Éternel dit que sans moi, vous n'êtes pas capable à faire quelque chose. C'est tout comme un bébé qui n'est pas capable à faire toutes ces choses qu'on vient de citer sans leurs parents. Amen. Amen. Without the parents, that baby cannot feed. Ohne die Eltern kann das Baby nicht essen, nicht trinken. The baby, the child, that little child needs the parents to feed him. We need Christ to feed us. Das kleine Kind braucht seine Eltern, damit es gefüttert wird, und wir brauchen Christus, damit wir gefüttert werden. Tout comme ce bébé a besoin de ses parents qui vont prendre soin de lui et qui vont le nourrir. Tout comme nous aujourd'hui, on a besoin de Jésus-Christ qui va nous nourrir. C'est vraiment le même parallèle. He always desires to rule over us. Er will immer über uns herrschen. Amen. Il veut vraiment régner sur nous. 1 Samuel 8. On va lire ça en 1 Samuel 8, verset 7. And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people in all that they say unto thee. For the 1 Samuel 8, verse 7. 1 Samuel 8, verse 7. 1 Samuel 8, verse 7. For they have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them. Praise the Lord. Hallelujah. He desired to reign over us, to rule us, to rule over us. That will you allow to direct you. Aber wenn wir das zulassen. Lui, il désire de régner sur nous, mais est-ce que nous on va lui laisser faire son travail ou bien on va faire des rébellions? Our rejecting him is always again and again and again. You know, from the beginning, it's always rejecting him. We are even up to now, people are still rejecting him again and again and again. So we went astray from the covering of the rulership of the king. Wir haben uns entfernt vor dem Schutz und von der Herrschaft des Herrn, und wir tun das immer wieder mit unseren Taten, mit unseren Entscheidungen, dass wir uns gegen ihn entscheiden und für unsere eigenen Wege. Donc, l'Éternel veut régner sur nous, mais nous, on s'est décidé de s'éloigner de lui. Et on le fait jusqu'à présent, on le fait toujours comme ça, que quand il nous dit de partir à S, on va quelque part autre parce qu'on pense qu'on sait mieux ou que ça n'a pas de sens pour nous. Allow him to be involved in everything you do. Lass zu, dass er involviert ist in allem, was du tust. You allow him. Du lässt es zu. C'est notre décision. On doit lui laisser décider pour nous. You know, your life is greater than whatever you are doing. Dein Leben ist größer als das, was du tust. Parce que ta vie est même plus important de ce que tu fais. That your life is greater than you are in uni. Oh, you are studying anything at all. Mm-hmm. It's when you are alive that you can even do that. Mm-hmm. Those things. Oh, are you getting it? Mm-hmm. Dein Leben ist mehr wert als das, was du tust. Es ist mehr wert als dein Job oder deine Uni. Ta vie est même plus grande de ce que tu fais. C'est même plus grand que ton travail ou bien ton université parce que tu as besoin de vivre pour faire ces trucs-là. If you believe he is your life, allow him to be involved in everything you do. Wenn du glaubst, dass er dein Leben ist, dann lass zu, dass er in allem involviert ist. Amen. Si tu crois vraiment que lui il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois vraiment lui permettre d'être au contrôle de toutes choses dans ta vie. You're sleeping and you're waking up. You're going from one place to another. Your studies. Dein Einschlafen, Aufstehen, dein Lernen. Lass zu, dass alles er ist. Ton travail, ta sortie, ton entrée, tout ce que tu fais, donc tu dois vraiment permettre qu'il puisse tout guider. Your job or whatever it is, amen. You know that little baby can do. You know that job he cannot even do it except through the parents. You need Christ to do that job. He is the one doing that job. You are just there, just resting. Um diese Arbeit zu machen, du bist einfach nur da, um dich auszuruhen. On doit vraiment avoir cet exemple-là avec le petit bébé là dans notre tête pour comprendre qu'on a vraiment besoin de l'Éternel pour être capable à faire tous ces travaux, ton travail, de même se réveiller, même nourrir ou même l'école ou bien l'université. On a vraiment besoin de l'Éternel pour faire ces travaux-là. Il le fait à travers nous. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Out of the kingdom means you are no longer under the covering of the king. Raus aus dem Königreich bist, dass du nicht mehr unter dem Schutz des Königs bist. Quand tu es en dehors du royaume, ça signifie que tu n'es même plus, couvert de la protection, sous la protection du roi. Amen. Amen. You are out of the kingdom. You are no longer under my covering. Du bist raus aus dem Königreich. Du bist nicht mehr unter dem Schutz des Herrn. Tu n'es même plus du royaume. Ça signifie que tu n'es même plus dans la sous la protection de l'Éternel. Remember John 15. Let us go to John 15. Lass uns Johannes 15 gehen. John 15. Praise the Lord. Hallelujah. John 15. Amen. Okay. Shut up. Praise the Lord. Hallelujah. My daughter is very fast. John 15. Look at John 15. Amen. From verse 1. I am the true vine, and my father is the husbandman. Every branch in me that beareth no fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth much Amen. You know how he pushed people away from here. Ihr habt gesehen, wie er Leute hier rausgespült hat, sozusagen. Je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. Il enlève tout rameau qui, uni à moi, ne porte pas de fruits. Mais il taille, il purifie chaque rameau qui porte les fruits pour qu'il en porte encore plus. Donc tu te rappelles aussi combien on a été ici avant et comment il a aussi trié les personnes, tout comme dans ce verset. Verse 2 is very important. Look at it. It says, every branch in me that beareth no fruit. If even you are in a living church and you are not bearing the fruit of Christ, take you away. Mm. Are you getting it? And you are not one with Christ. You cannot live there. You cannot continue there. Keine Frucht bringst, weil du nicht persönlich mit dem Herrn verbunden bist, wirst du rausgespült. Verset 2, c'est vraiment très important. Si tu le lis, c'est écrit, enlever tous les, il enlève tous les rameaux qui unis à moi ne portent pas de fruits. Donc ça signifie que tu peux être dans une église vivante, mais si tu n'es pas capable d'apporter les fruits de l'Éternel, il va même t'enlever. Il a écrit ça ici. And that's why we are not to be surprised when people go. Und deswegen sollen wir nicht überrascht sein, wenn Menschen gehen. C'est pour cela qu'on ne doit pas être surpris quand les gens sont en train de partir. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. Amen. You cannot remain stand still. Du kannst nicht im Stillstand bleiben. Donc, il a dit que il va enlever les rameaux qui ne portent pas des fruits. Donc, ça signifie que même toi, aujourd'hui, tu ne peux pas seulement être le même. Donc, que tu ne bouges pas. Donc, tu dois toujours porter des fruits. Stand still, you are pulling people, you are pulling others back. Backward. Und wenn du im Stillstand bist, dann wirst du selbst sinken und andere mit zum Sinken bringen. Parce que si tu es dans un niveau où que tu stand still, que tu ne bouges pas, là, tu ne évolues pas, voilà. Si tu n'évolues pas, par exemple, si tu es dans un... tu vas ramener les autres en arrière ou bien toi-même, tu vas aussi tomber. And every branch... Are we here, please? And every branch that beareth fruit, like you and me, every branch is talking about you and me. Jede Rebe, so wie du und ich. Il parle ici des rameaux. Quand il parle de rameaux, c'est comme toi et moi. You are here because you bear fruit. Vous êtes ici parce que les fruits bringent. Nous sommes ici, par exemple, parce que on porte des fruits. He said he projects it that it may bring forth more fruit. Non, stand still. I love it. Amen. Donc il a dit ici qu'il purifie chaque rameau, comme nous aujourd'hui, il nous purifie, qui porte des fruits, pour qu'il puisse encore porter des plus. Felix, can you help us to read verse 3? 3. Verset 3. Ihr seid schon rein in das Wort des Willen, das ich zu euch gelegt habe. Thank you, Shad. Yeah. Now you are clean through the word which I have spoken unto you. His word is what cleans us. Sein Wort ist das, was uns gereinigt hat, nicht Probleme. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Donc c'est sa parole qui nous purifie. Amen. Then in verse 4, it says, abide in me as I in you. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Adam refused to abide in him. Adam hat sich geweigert, in ihm zu bleiben. Dans le verset 4, il nous dit, demeurez unis à moi comme je suis uni à vous. Donc, et Adam, lui, par exemple, il a refusé de demeurer en lui. Adam refused to choose him. Adam hat sich geweigert, ihn zu wählen. Adam a refusé de lui choisir. Just like in first, the children of Israel, you know, First Samuel, where we read, amen. They refused to allow him to rule over them, to reign over them. Sie haben sich, sie wollten nicht von ihm regiert werden. In 1 Samuel. Tout comme dans 1 Samuel où les enfants d'Israël ont refusé d'être que l'Éternel puisse régner sur eux. Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can you, except you abide in me. Praise the Lord. Donc un rameau ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter des fruits si vous ne demeurez pas uni à moi. In verse 5, it says, I am divine. You are the branches. Amen. Praise the Lord. In 5 sagt er, Amen. Amen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Donc verset 5, il nous dit ici aussi concrètement que nous, qu'il est la vigne et nous sommes des rameaux. Amen. Amen. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. Amen. For without me you can do nothing. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. For if a man abide not in me, he is cast forth as a branch. Verset 6. And is withered, and men gather them and cast them into the fire. And they are burnt. I pity those that are out of here. Ich habe Mitleid mit den Menschen, die hier rausgegangen sind. Celui qui ne demeure pas uni à moi et jeté dehors comme un rameau et il sèche, les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Et c'est pour cela j'ai pitié des gens qui sont partis d'ici, par exemple. Adam was out of the kingdom. Adam war raus aus dem Königreich des Himmels. Tout comme Adam était, il était sorti en dehors du royaume des cieux. And that was what God was talking about when he asked Adam, where are you? Darüber hat Gott gesprochen, als er gefragt hat, als er Adam gefragt hat, wo bist du? Et c'est de ça que Dieu parlait quand il a demandé à Adam où est-ce qu'il est. He said, you have gone astray, you have left the rulership of heaven. Ihr seid also sozusagen die Irre gegangen, in die Irre gelaufen, ihr habt die Herrschaft des Himmels verweigert. Il a dit que vous êtes perdu, vous avez refusé oui, le royaume des cieux. And the Lord is saying, and I'm no longer your king. Und der Herr sagt, ich bin nicht mehr euer König. Et c'est pour cela que l'Éternel a dit que je ne suis même plus votre roi. Amen. Yeah. You have abandoned the covering of the kingdom of heaven. Ihr habt den Schutz des Königreiches verweigert. Vous avez abandonné la protection du royaume des cieux. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Just like we just read him, Jesus said in John 15. Genau wie wir es gerade eben gelesen haben. He is the vine. He is the tree. We are the branches. And we are not to be out. Der Baum, wir sind die Äste, wir sollen. The connection must continue. Die Verbindung muss bleiben, muss weitergehen. Mm. Et c'est pour cela on doit il a dit que nous sommes que nous sommes des rameaux et la connexion doit continuer avec lui. He is the king. We are his royal family. Amen. Amen. He is the king. We are his royal family. Er ist der König und wir sind die königliche Familie. Er ist le roi et nous sommes la famille royale. Praise the Lord. Hallelujah. Are we here, please, or we are too close? Nein. Amen. He is the king. We are his royal family. Er ist der König und wir sind die königliche Familie. Il est le roi et nous sommes la famille royale. He is the shepherd and we are the sheep. Er ist der Hirte und wir sind die Schafe. Il est le berger et nous sommes les moutons. Remember, he told Peter, feed my sheep. Er hat zu Petrus gesagt, füttere meine Schafe. Il a dit à Pierre, nourris mes moutons. Again, the fall of man. Der Sündenfall. Oui, et la chute de l'homme. When man fell, a lot of things happened. Als der Mensch gefallen ist, sind viele Dinge passiert. Et quand l'être, après la chute de l'homme, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Amen. Amen. We quickly go through more. Amen. Mm-hmm. Adam was created to rule on earth. Adam wurde erschaffen, um auf Erden zu regieren. Adam a été créé pour dominer le monde. If you go to Genesis 1:26, he said, let them have dominion. Dominion. To have dominion, you must. You know, let's go there. Genesis 1. 1. Mose 1. On va dire Genèse 1. Dominion. Herrschaft. Domain. King and dominion. Kingdom. König kingdom. You know, there are two words. King and domain. You cannot have dominion without being a king. Du kannst keine Herrschaft haben, ohne ein König zu sein. Tu peux pas être, régner sans avoir ou sans être un roi. Parce que tu peux pas être un roi sans royaume. 26. Yeah. Verset 26. And God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion." Amen. Amen. Over the fish of the sea and over the fowl of the air. And over the cattle, and over all the earth, over all, everything on earth. Alles auf Erden. Donc, il a dit que l'être humain doit régner sur tout, sur le ciel, dans ce monde. And over every creeping thing that creepeth upon the earth. Praise the Lord. Hallelujah. Qu'il soit le maître de tout. Amen. Amen. Let them have dominion over all. Lass sie herrschen über alles. Donc il doit dominer sur he tout. Gave the earth to man. Er gab die Erde dem Psalm Menschen. 115. Let's go there. Il a donné le monde à l'être humain. On va le lire à psaume 115. Verset 16. The heaven, even the heavens are the Lord's. But the earth hath he given to the children of men. Praise the Lord. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Verset 16. Le ciel appartient au Seigneur, à lui seul, mais la terre, il a remis aux humains. Are you getting it? Amen. God told Adam to have dominion, to be king over everything here, to be God over everything here. Gott hat zu Adam gesagt, to be God. Herrschen über alles hier. Er soll Gott sein hier auf Erden. Dieu a dit que Adam doit régner ici sur terre. Adam abandonne that dominion. Aber Adam hat diese Herrschaft verweigert. Et lui, il a refusé cette dominion. He gave that dominion to Satan. Er gab diese Herrschaft dem Satan. Et puis il a donné ce royaume au diable. Go to look for, please. Verse 5 and 6. On va lire Luc 4. Okay. Versets 5 et 6. Praise the Lord. Amen. Look for. Look us here. And the devil, taking him up into an high mountain, showed unto him all the kingdoms of the world in a moment of time. Are you getting it? Mm-hmm. And the devil said unto him, verse 6. All this power will I give thee, and the glory of them. For that is delivered unto me, and to whomsoever I will give it. He said it has been delivered unto him. Sie wurde mir übergeben, sagt er. Who gave him? Ici, Adam. ici, le diable dit, verset 6, tout cela m'a été remis et je peux te donner. Je peux le donner à qui je veux. C'est le diable qui dit ça à Jésus-Christ. Et qui a donné ça, qui a donné la terre au diable? C'était Adam. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. You know, when God created man, als Gott den Menschen erschaffen hat, quand Dieu a créé l'être humain, He created man to become the God of this world. Hat er den Menschen erschaffen, den Gott dieser Weltzeit zu sein. Il a créé l'être humain pour être le Dieu de ce monde. And when Adam gave the kingdom to Satan, aber als Adam das Königreich dem Satan übergab, mais quand Adam a donné le royaume de ce monde au diable, instead of man being the king, the god of this world, Satan became the god of this world. I don't know if you know, understand the difference. Der Mensch der Gott dieser Welt wurde Satan der Gott dieser Welt. Au lieu que l'être humain soit le dieu de ce monde, Adam a remis, quand il a remis la puissance au diable, c'est le diable qui est devenu le dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens 4:4. Amen. Verse 4 of 2 Corinthiens 4. It says, whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Mm. Satan became the god of this world instead of man being the god of this world. Der Satan wurde der Gott dieser Weltzeit statt dass der Mensch es ist. Le diable était devenu le dieu de ce monde au lieu que l'être humain puisse l'être comme on voit ici. Again, Adam supposed to be the god of this world. Adam hätte eigentlich der Gott dieser Weltzeit sein sollen, der Mensch. Donc je répète, c'était Adam qui a dû être le roi de ce monde. Amen. The Bible called man God. Die Bibel nennt den Menschen Gott. La Bible appelle l'être humain Dieu. Amen. The Bible called man God. Die Bibel nennt den Menschen Gott. La Bible appelle l'être humain Dieu. Small letter G. Aber Gott mit einem kleinen Buchstaben. Mais un Dieu avec une petite le G un de Dieu avec un petit D. God, are we there, please? Minuscule. Avec un D minuscule. God Himself reproduces. Gott hat sich vermehrt. Dieu lui-même, il se reproduit. He gave birth to gods. Er hat Göttern das Leben geschenkt. Il fait naître un dieu, des dieux. He gave birth to man. Er hat den Menschen geschaffen. Man, he sees man as God. Er sieht den Menschen als Gott. Donc Dieu, il voit l'être humain comme comme des dieux, des petits dieux. Amen. Amen. We are not talking about what religion, what taught this religion mean as God, God of iron, God of all this. We are talking about man. It's not like a consigning animal or tree or. We are talking about man. Wir reden über den Menschen, as God. Nicht über irgendwelche Gottheiten, die die Menschen der Natur oder irgendwelchen Figuren sich ausdenken oder ausmalen, sondern über Menschen, die Gott nennt. Quand on appelle, quand je dis Dieu, je ne parle pas de des dieux des religions, par exemple, quand il dit que les dieux de dieux de feu, de la nature, non. Amen. Si, or any other thing, animal. Amen. Amen. Und nicht irgendwelche Elemente, die Menschen vergöttern. Non, on parle pas de ces dieux-là. Our spirit is who we are. Unser Geist ist das, was wir sind. Notre esprit, c'est ce que nous nous sommes. We are not angels. We are spirits. Aber Geist. Nous sommes pas des anges, mais nous sommes des esprits. Is somebody getting it? Amen. Amen. Christ is God. Capital letter G. Christus ist Gott und das mit einem großen Buchstaben. Jésus Christ, c'est un Dieu, mais un Dieu avec un D majuscule. God only creates man. He created man after his image and likeness. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. Dieu a créé l'être humain à son image. You know, one thing with God is that every living thing he created, he gave them ability to reproduce. Gott hat alles Lebendige, was er erschaffen hat, die Fähigkeit gegeben, sich zu vermehren. La chose spécifique avec Dieu est que toute chose qu'il a créée, il a donné aux choses qu'il a créées la capacité de se reproduire. Praise the Lord. On va le lire à Genèse 1. Genesis 1, verset 11 and 12. Choses vivantes. Amen. 1, 11 and 12. 1 Genèse, bon, oui, Genèse 1, 11 à 12. Are we there, please? Mm. It said, and God said, let the herb bring forth grass, the herb yielding seed. You see it? Mm-hmm. And the fruit yielding fruit after its kind, whose seed is in itself. Upon the earth, and it was so. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 12. Verse 12. And the air brought forth grass and herbs yielding seed after its kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself after its kind. And God saw that it was good. Praise the Lord. Hallelujah. Animal always give birth to animal. Tiere gebären Tiere. Donc on voit ici les animaux font naître des animaux. Amen. Trees, you know, bears give birth to bears. The trees, you never see tree giving birth to bears or to animal. They give birth to their own kind. Und die Pflanzen oder die Tiere, sie gebären nach ihrer Art und nicht nach einer anderen Art. Also ein Baum würde niemals ein Kaninchen gebären oder ein Kaninchen würde niemals eine Tanne gebären. Tout comme les plantes, par exemple, quand tu vois que les plantes se reproduisent aussi, il n'y a pas, tu vas jamais voir une plante qui va donner naissance à un être humain ou bien à un animal. Donc, ils reproduisent toujours des histoires de leur propre espèce. Amen. Amen. Amen. So, anytime I see your fruit, I know what you plant. Deswegen, wenn ich deine Frucht sehe, weiß ich, was du gepflanzt hast. Et c'est pour cela, chaque fois que je vois tes fruits, je sais ce que tu as planté. Amen. The fruit, if you know what Christ called the fruit, you know what people plant. Wenn du siehst, was Christus... Never plant Kartoffel and receive banana. Wenn du das siehst, was Christus Frucht nennt, dann weißt du, was diese Menschen gepflanzt haben. Du wirst keine Tomaten ernten, wenn du eigentlich Bananen gesät hast. Et c'est pour cela, tu vois, tu vois, si tu vois ce que les gens ont, ont récolté, par exemple leurs fruits, tu vas savoir que tu vas savoir qu'est-ce qu'ils ont planté. The only true God gave birth to God. Der einzig wahrhaftige Gott hat Gott gebärt. Le seul vrai bon Dieu a aussi reproduit un Dieu. Small letter G. Amen. Amen. Amen. Let's go to Psalm 82. Psalm 82. On va lire psaume 28. Psalm 82. Oh, pardon. Psalm 82. Praise the Lord. Hallelujah. Psalm 82, Vers 1 und Vers 6. Psalm 82, 1 und 6. Und 6. Psalm 28, Verset 1 et 6. 82. Amen. 82. Are we there, please? God standeth in the congregation of the mighty. He judgeth among the gods. Amen. Mm-hmm. Then verse 6, look at it, please. Mm-hmm. I have said you are gods, mm-hmm. and all of you are children of the Most High. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Is somebody getting something here? Amen. You are gods. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Son de Dieu. Ihr seid Götter. Verse 6 of Psalm 82. What did you write? One, first of all, we read verse 1. Now we read verse 6. Amen. It's in both places. Amen. He said, we ask this later. I have said you are gods, and all of you are children of the Most High. Praise the Lord. Before the fall. Vor dem Sündfall. And after the fall are not the same. Und nach dem Sündfall ist nicht gleich. Donc avant la chute de l'homme et après la chute de l'homme, c'est pas la même chose. Before the fall, Adam was created God. Vor dem Sündfall war Adam als Gott, als Gott erschaffen. Avant la chute de l'homme, Adam a été était un dieu. And when he now gave the dominion to Satan, Satan became the God and no longer he. Und als er die Herrschaft dem Satan übergab, wurde der Satan zu Gott und er nicht mehr. Et quand il a donné toute la puissance que l'Éternel lui avait donnée au diable, donc il n'était plus le maître de ce monde, mais c'était devenu le diable. Praise the Lord. Hallelujah. In Job 1:6. Talk about the sons of God. Job 1:6 geht um die Söhne Gottes. Amen. Donc, also, Job 1:6, il s'agit aussi des fils de Dieu. Then let us, because of time, let us go to John 10. Johannes 10. John 10. On va lire Jean 10. Praise the Lord. Amen. John 10. Johannes 10. Jean 10. Amen. Amen. Please know who you are. Wisse bitte, wer du bist. Tu dois vraiment savoir qui tu es. Don't underrate yourself. Unterschätze dich nicht. Ne te sous-estime jamais. Amen. Amen. Don't allow Satan to bring you down. Lass nicht zu, dass der Satan dich unterzieht. Faut pas vouloir que le diable puisse te rabaisser. Don't allow him to demote you. Dass er dich sozusagen herabstuft. Qu'il puisse te rabaisser. Amen. Demotion. You know what demotion is. Herabstuft. Amen. Amen. Donc, t'es... Praise the Lord. Hallelujah. John 10, from verse, let's read from verse 30 to 34. On va lire Jean 10, 30 à 34. Are we there, please? Mm-hmm. I and my Father are one, said Jesus. Amen. Verse 31. Then the Jews took up stones again to stone him. 32. Jesus answered them, many good works have I showed you from my Father. For which of these works do you stone me? Verse 33. The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not, but for the blasphemy that be called that thou being a man, make yourself God. Then verse 34, very interesting. Jesus answered them, It is not written in your law, I said, you are God, you are gods. If you call them gods, verse 35, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Say ye of him whom the Father hath sanctified and sent unto the world, thou blasphemy, because I said, I am the Son of God. Praise the Lord. Hallelujah. I just read it down. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There are a lot of things to learn here. Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre ici. If you read here, you see that Jesus referring to Psalm 82. Wenn Sie lesen, sehen wir, dass Jesus auf Psalm, was quoting Psalm 82. Sich auf Psalm 82 bezieht. Si tu vois ici, tu vas voir que Jésus était en train de se référer à Psalm 82. And please, listen please. And he was telling them that there are many gods. And not one God. Und er hat ihnen gesagt, er sagt ihnen ganz klar, es gibt mehrere Götter, nicht nur einen. Et ici, il a dit vraiment qu'il y a beaucoup, il y a plusieurs dieux et pas seulement un dieu. C'est ça qu'il a dit ici. He was telling them that the creation of man was God giving birth to God. Er sagt, dass als der Mensch erschaffen worden ist, hat Gott sozusagen Gott gebärt. Et il a dit ici, il voulait dire que quand Dieu a créé l'être humain, il a créé des dieux. You know this one God. Religion believe. Religious people believe there is one God. Religiöse Menschen glauben, es gibt nur einen Gott. Parce que les gens religieux, eux, pensent qu'il y a qu'un. But Jesus is saying here that there are many gods. Aber Jesus sagt hier, es gibt hier mehrere Götter. Are you getting it? Mais Jésus Christ, ici, il a dit qu'il a vraiment il y a plusieurs dieux. Praise the Lord. Hallelujah. But there is only one true God. Aber es gibt nur einen wahrhaftigen Gott. Mais il y a qu'un seul vrai bon Dieu. You know, in James 1, verse 19, it says, Satan believed there is God. He believed there is only one true God. He believed. You know that. Satan, par exemple, lui, il a cru qu'il y a qu'un seul Dieu. That he is not the one. Dass er nicht derjenige ist. Il était dessus que lui n'était pas il était pas le Dieu dont on parlait. Amen. Amen. Satan believed. Go, let's go there. James 1. Let's go there. On va lire Jacques 1. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Verse 19. He said, thou believer that there is one God, that doeth well. The devils also believe and tremble. Praise the Lord. Jacques 1, verset 19. Rappelez-vous bien et ceci, mes chers frères. Chacun doit être. Religious people believe there is one God. Religiöse Leute glauben, dass es einen Gott gibt. Bitte 1, 8. Jakobus 1, 2. 8, 2, okay. What did I say? Pardon. 1. Okay, sorry, 2. Jacques 2, verset 19. Amen. Mm-hmm. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verset 19, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Très bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent de leur peur. Amen. Amen. You know, Satan, we want people to believe that there is only one God. Satan will, as Menschen glauben, dass es nur einen Gott gibt. There's one God. That's what Satan wants. Le diable, il veut que l'être humain puisse penser qu'il y a qu'un seul Dieu. Amen. Mm-hmm. And this one God, it doesn't matter how you come to him. Und c'est grave de ce que somebody's getting it. Et dans ce seul Dieu-là, pour le diable, c'est pas important comment tu vas vers lui. Are you getting something here? Go to John 17. On va lire Jean 17. Praise the Lord. Alléluia. John 17, verset 3. Jean 17, verset 3. He said, this is life eternal, that they may know thee, the only true God. Mm-hmm. The only true God is different from God. Der einzigartige Gott, der blessed, ist anders als Gott. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Amen. The only true God is the creator. Der einzig wahre Gott ist der Schöpfer. Le seul vrai bon Dieu, c'est le créateur. He created other gods, which is supposed to be man. Er hat andere Götter erschaffen, die eigentlich Menschen waren. Et lui, il a créé les autres dieux qui devraient être l'être humain. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Yeah. Satan turned it to become trees, stones, sea, everything, animal. You know, some worship or insect. They worship different things. Images upon images. Dass der Mensch anfängt, die Natur anzubeten, Gegenstände anzubeten. Und nicht den einzig wahrhaftigen Gott oder Gegenstände oder Tiere als Gott zu sehen. Mais Dieu il a voulu que oui mais l'être il a par contre l'être humain il a commencé à adorer les des autres êtres humains, la nature ou bien même les animaux. If you look at here again, say, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. You know, here he said, the only true God, and Jesus Christ. Ici, il parle du seul vrai bon Dieu et Jésus-Christ. To know the difference between Christ and Jesus. Den Unterschied zu kennen zwischen Christus und Jesus. On doit connaître la différence entre Jésus-Christ et Dieu. The spirit and the body. Geist und Körper. L'esprit et le corps, entre l'esprit et Let le corps. Let me live there for some time. You know, until you believe there are many gods, you cannot know the difference between the only true God and other gods. Erst wenn du glaubst, dass es mehrere Götter gibt, dann wirst du den Unterschied kennen zwischen den anderen Göttern und den wahrhaftigen Gott. Si tu comprends qu'il y a plusieurs dieux, tu vas commencer, là tu vas comprendre la différence entre le vrai bon Dieu et les autres dieux de ce monde. We just read 2 Corinthians 4:4. Yeah, the Bible calls Satan a god, the god of this world. Wo die Bibel sagt, dass der Satan der Gott dieser Weltzeit ist. On vient de lire où l'Éternel a dit que Jésus-Christ a dit que le diable c'est le dieu de ce monde. If you believe there is one god, it means you don't believe the Bible. Wenn du glaubst, dass es einen Gott gibt, dann glaubst du nicht der Bibel. Si tu penses qu'il y a qu'un seul Dieu, là tu ne crois pas à la Bible. The Bible did not say there is one God. It is religion that said that there is one God. Religion sagt, dass nur ein Gott gibt. La Bible n'a jamais dit qu'il y a qu'un seul bon, qu'il y a un seul Dieu. C'est la religion qui dit qu'il y a qu'un seul Dieu. So that you know, and anywhere you go, you arrive to this God that they are talking about. I don't know if you are getting it. Weil nach ihrer Lehre ist egal welchen Weg du einschlägst, du wirst immer auf den gleichen Gott treffen, aber das stimmt nicht. Parce que eux ils veulent te dire donc genre peu importe quel chemin que tu veux prendre pour arriver vers Dieu, tu vas arriver dans n'importe quel dieu, donc le seul dieu que eux ils appellent Dieu. You know, if you believe there is one God, it doesn't matter how you come to this God. Amen. That is, you know, for them, it doesn't matter how you come to this God. Once you go through this way, you go through religion, you go through Muhammad, you go through all these different religions, but you are still going to go to that God. Are you getting it? That they want to make you believe there is only one God, and that God is what all of them are going to. But Jesus said there are many gods. Und die wollen, dass du dann halt glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Das heißt, egal welchen religiösen Weg du einschlägst, du wirst immer an dem gleichen Gott ankommen. Aber Jesus Christus sagt ganz klar, es gibt mehrere Götter. Das heißt, es gibt mehrere Ausgänge. En fait, Jésus-Christ, la religion nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il y a beaucoup de chemins pour arriver chez le Dieu là, donc à travers Mohamed, à travers des méditations, je ne sais pas comment, hein, mais il y a un Dieu, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Mais Jésus-Christ, lui, comme on vient de lire, il a dit qu'il y a, plusieurs dieux, donc il y a un grand Dieu, mais il y a aussi des plusieurs dieux avec le petit D. And that's why once you are saying God, all of them, they just say, okay, the same God. Et c'est pour ça. They conclude immediately. The same God, God, yeah, God. Sie das und sagen, ja, Gott ist eh Gott, deswegen egal, auf deine Art machst du das, ich mach's auf meine Art, aber Gott ist Gott. Et c'est pour cela, dans ce monde, quand tu dis que tu parles de Dieu, tu dis, ah, Dieu soit loué, eux, ils disent, oui, ben, c'est pas un problème parce que tu dis Dieu, moi aussi, je crois en Dieu, mais chacun a sa manière de voir son Dieu, en fait, mais c'est le même Dieu. C'est ce qu'ils sont. And anywhere you go to... You arrive to you go to this God. You get there. You get there. He is still the God. That you are still with him there. Amen. Amen. John 14, verse 6. Let's go to John 14. For them anywhere. You can go through anything to this God. Donc pour eux, ils savent aussi que n'importe quel chemin tu prends. Tu vas arriver chez le même Dieu de mensonge là, comme ils sont en train de dire là, de voir. Donc tu peux méditer, tu peux avoir Mohamed, tu peux avoir soi-disant Jésus, mais c'est le même Dieu de creux. On va arriver. On va lire ça. Je suis le bon maman. Jean 14, verset 6. Amen. Amen. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Praise the Lord. Hallelujah. Religion says there's no anywhere you go, you are going to this God. Amen. Amen. But Jesus, you know, Jesus is saying, to arrive to the only true God is through me. Amen. The only true God is different from God. Der einzige wahrhaftige Gott ist anders als verschiedene Götter. Jésus dit ici, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Donc, il dit qu'il est le seul chemin pour arriver au seul vrai bon Dieu. Amen. Amen. Jesus said, I am the only way to the only true God. Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zum einzig wahrhaftigen Gott. Et Jésus-Christ dit que je suis le seul chemin vers le seul vrai bon Dieu. Again, the Bible calls man God. Bible nennt den Menschen Gott. La Bible appelle l'être humain Dieu. Before the fall, the difference between man and God was the body. The body. It was just the body. Parce que avant la chute de l'homme, la seule différence entre Dieu et les êtres humains, c'était le corps. And that's why if you go to Genesis 1:26, God said, "Let us create man like us." You see that? Amen. Et c'est pour cela quand on vient, on lit Genèse, on lit qu'il dit que créant l'être humain à notre image. Before the fall, what makes us different from the only true God was our body, the head suit. Vor dem Sündenfall, das, was uns anders gemacht hat als den wahrhaftigen Gott, war unser Körper, unser irdischer Anzug. Avant la chute de l'homme, c'est qui la seule chose qui était différente de nous et le Dieu, c'était notre apparence physique. Donc, oui, la chair. And then you can see Adam was perfect. Everything perfect. Man sehen, dass Adam sozusagen. Are you getting it? Et puis on voit aussi que Adam, par exemple, lui, il était parfait. Are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. To come to earth, to the earth, you must need a body. Weil auf die Erde zu kommen, brauchst du einen Körper. To be here on earth. Hier zu sein auf Erden. Pour être ici dans ce monde, ici sur terre, on a besoin d'un corps. It's not so easy to know. Example Christ. Beispielsweise Christus. Par exemple, Jésus-Christ. He needed Jesus to be here. Il brauchte Jésus pour être ici. Somebody il a dû avoir Jésus-Christ. Le Christ avait besoin de Jésus pour être ici sur terre. Donc, son esprit avait besoin du corps qui est Jésus-Christ pour être ici sur terre. To live legally here on earth, you need a body. Um hier legal auf Erden zu leben, brauchst du einen Körper. Pour vivre ici légal sur terre, on a besoin d'un corps. Without a body, you can do nothing here on earth. Ohne einen Körper kannst du nichts hier auf Erden tun. Sans un corps, on peut pas, on peut rien faire ici sur terre. You remember Satan when he went, you know, when he was going to deceive Eve. He went through the serpent because he needed a body. Als er Eva betrogen hat, ist er durch eine Schlange, einen Schlangenkörper gegangen, weil er einen Satan Körper gebraucht hat. Spirit. Weil der, der Satan ist Geist. Tout comme le diable, quand il a eu besoin de, quand il avait besoin d'un, de, il a, il voulait confondre Eve, il a eu dû aussi utiliser un corps et il a utilisé le corps de la, du serpent. Amen. Amen. You know how this wind, the air, and this tornado and Eve, Satan go through them. You know, he goes through there, go through the sea, he go through things. He needs a body to show, to demonstrate his power here on earth. Der Satan he needs body. Dinge durch, durch das Wasser, durch den Wind, durch die Elemente, um hier auf Erden zu agieren, weil er einen Körper braucht, eine Hülle braucht, um hier zu sein und zu handeln. Le diable, lui, il a aussi, donc le diable, il a aussi besoin d'un, d'un corps pour opérer ici sur terre. Amen. Amen. A living thing, a living, the serpent needed, a serpent is a living thing, mm-hmm. a living animal. Amen. Mm-hmm. And you know, a living thing means some, something that can operate here. Etwas Lebendiges, was hier auf Erden wandeln kann. Donc ça signifie que quelque chose qui est vivant qui peut ici opérer ici sur terre. God, God, the only true God created man God. Der einzig wahrhaftige Gott hat den Menschen als Gott erschaffen. Donc le seul vrai bon Dieu a créé l'être humain comme un dieu. And he told Adam, I am a ruler in invisible heaven. I create you to be a ruler in visible heaven. Und er hat zu Adam gesagt, ich bin der Herrscher des unsichtbaren Himmels. Sei du der Herrscher des sichtbaren Himmels. Donc, Dieu, il a créé Adam, il a dit que moi, je suis le Dieu de, du ciel, du monde invisible, mais toi, tu dois être le Dieu du, de la terre, donc, oui, de ciel visible. Be a ruler here on earth. Amen. Donc, tu dois régner sur terre. Have dominion. Amen. We just read Psalm 115, verse 16. The only true God created God, and not just a man. He gave birth to God. Dass der einzig wahrhafte Gott hat Gott gewährt. Donc on vient de lire que le seul vrai bon Dieu a fait naître un Dieu. If you look at how Satan deceived man, look at it. Let us look at something here. Can we help you? Den Menschen, Genesis 3. Hat. Go to Genesis 3 again. Comment le diable, on va encore voir une fois comment le diable a, a confondu l'être humain. Praise the Lord. Hallelujah. Satan is always a loser. He's always a liar. A big liar. Genèse 1. A big deceiver. Un betrüger. Le diable est toujours un menteur. Let's read from 1 to, maybe let's just, let's just read from 1 to 5 first. Amen. He said, now the serpent was more subtle than the beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, had God said, you shall not eat of the tree, of every tree of the garden? Verse 2. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. Verse 4. And the serpent said unto the woman, you shall not surely die. He called God a liar. Amen. God, ein Lügner genannt. A deceiver. He called God a deceiver, a liar. Amen. Ici, on voit que le serpent, ou bien le diable à travers le serpent, a appelé Dieu un menteur. If somebody is attacking the message of Christ, you are to just run away from that person. Wenn jemand die Botschaft von Christus angreift, musst du diese Person meiden. Donc, si quelqu'un veut attaquer le message de l'Éternel, tu dois vraiment fuir cette personne. You see, God gave Adam the message that don't eat. God and Adam, somebody is there. So Satan going through the serpent and attacking that message. God had Adam eine Botschaft Und der Satan greift diese Botschaft, die er von Adam, die er von Gott bekommen hat, an. Tout comme ici, Dieu a donné à Adam un message et le diable est en train il a commencé à vouloir détourner ce message que Dieu a donné à Adam. Donc ça signifie que normalement Adam devrait fuir. C'est que le diable, le serpent voulait dire ici, donc ne veut même pas l'écouter. You know, if somebody is attacking the message that is being preached here, Christ's message, and you keep on listening, you are going to join them. It's a matter of time. Just a little time. The same thing Satan did here. Wirst du irgendwann diese Lügen glauben? Diese Lügen werden zur Wahrheit. Und deswegen musst du diese Lügen schnellstmöglich verweigern. Amen. Ja. Quand quelqu'un est en train d'attaquer le message que l'Éternel a déjà planté dans ton cœur, ou bien il est en train d'essayer de détourner la vérité, toi, une personne comme ça, tu dois fuir. Parce que si tu continues toujours à écouter ces mensonges-là, ça, c'est seulement une question de temps jusqu'à ce que tu vas commencer aussi à le croire. Tout comme ici, Adam, il a écouté le diable. Eve, par exemple, a écouté le serpent pendant longtemps. Et oui, elle a essayé de tourner du Dieu. Verset 5, c'est vraiment important. Look at what Satan says. He said, for God doth know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods. They were already created as God. I don't know if you are getting something. Ici, they were already God. Ici, on voit qu'ils étaient déjà des dieux. Knowledge. Erkenntnis. On doit vraiment apprendre à savoir la somebody, la sagesse. Knowledge. La connaissance, pardon. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. Knowledge. Adam was already God. Adam, par exemple, ici, il était déjà un dieu parce que le serpent a dit que oui, Dieu ne veut pas que vous mangez ses fruits parce que sinon vous allez aussi devenir des dieux comme lui. Mais Adam était déjà un dieu comme on vient de voir que l'Éternel avait déjà donné toute la puissance sur la terre. Et lui, vu qu'il ne le savait pas, il a cru au diable. Donc c'est pour cela que c'est important pour nous de savoir qui nous sommes. Il dit, you shall be as God. If Adam knew that he was already God, yeah, immediately we know that this is Satan. I should just, let me say Eve, amen, and say, no, I'm already God. What you are talking about, I'm already that. And that's why your knowledge of who you are. If you do not know who you are, Satan will deceive you. Wenn du nicht weißt, wer du bist, wird Satan dich täuschen. Na, Adam oder Eva, besser gesagt, defeats you. Sie wusste nicht, wer sie ist, und deswegen hat sie das geglaubt, was der Satan ihr gesagt hat. Ici, le diable, à travers le serpent, a commencé à confondre Eve. Si Eve connaissait la vérité, c'est pour cela que c'est important d'avoir la connaissance sur la vérité. Si Eve connaissait la vérité, elle allait être capable de dire au serpent ou bien au diable à travers le serpent, non, arrête, parce que moi, je suis déjà un dieu. Mais vu qu'elle, elle n'avait pas la connaissance, elle a commencé à croire au mensonge. Non, non. It is like you and me today. So we do an issue right now. C'est comme toi et moi aujourd'hui. Amen. Mm-hmm. Stop seeing the flesh. Stop das Fleisch zu sehen. Arrête de voir Stop la chair. Stop seeing the body. Auf den Körper zu sehen. Arrête de voir le corps. Remember who you are in the spirit. Erinnere dich an das, was du im Geist bist, wenn du im Geist bist. Rappelle-toi de qui tu es dans en esprit. Example. Genesis 39. Let's go there. Genesis 39. Genèse 30. Oui. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Amen. God, children, remember who you are. It is through Christ you have everything. Nous, les enfants de Dieu, on doit se rappeler qui nous sommes. C'est parce que c'est à travers Dieu qu'on a tout. If you have Christ, you have everything. Wenn du Christus hast, you are not poor. Haben wir alles. Du bist nicht arm. Parce que si tu as Dieu, tu n'es pas pauvre. Tu as tout. You are already healed. Du bist schon geheilt. Tu es déjà sauvé. Il est ta guérison. Il est ta santé. Amen. Don't allow your mind to be full of those problems. Lass dich zu, dass of what you see. Von Dingen, die du siehst. Donc tu ne dois pas vouloir te laisser que les préoccupations ou bien ce que tu vois dans tes yeux physiques que ça puisse t'attaquer. Don't allow what you see to control you. Allow your heart to be full of Christ. The real you, the true you is Christ Jesus. La vraie identité de Christ Jésus. Tu ne dois pas vouloir que les choses que tu vois puissent te contrôler parce que ta vraie identité c'est Jésus Christ qui est en toi. Genèse 39. I love you. 39. I don't know about you. And Joseph was brought down. 1 and 2, please. 1 et 2. And Joseph was brought down to Egypt. And Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian bought him of the hands of the Ishmaelites, which had brought him down thither. Amen. Then in verse 2, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. Praise the Lord. Just like, you know, Joseph can be a prosperous man. If he does not know that he was a prosperous man, for example. Just like Eve was already God, and he does not know, she does not know that he was already God. I don't know if you can connect it. Kann ein wohlhabender Mensch gewesen sein, ohne zu wissen, dass er ein wohlhabender Mensch ist, genauso wie Eva Gott war, ohne zu wissen, dass sie Gott ist. Ici, on voit que Joseph était un homme prospère, donc il avait vraiment quitté riche, malgré ici, on voit que l'Éternel dit qu'il était un homme riche, mais charnellement, on voit qu'il était un esclave. Il ne le savait même pas qu'il était devant Dieu, devant les yeux de Dieu, qu'il était si important et il était si riche. Et tout comme Ève, par exemple, elle était un dieu, mais elle ne savait pas qu'elle était un dieu. You never allow Satan to tell you lies. Wir lassen nicht zu, dass Satan uns irgendwas erzählt. C'est pour cela, c'est important de ne pas laisser que le diable puisse nous dire des rencontrer des mensonges. Amen. You know, Satan was trying to tell Joseph lies when he was being sold as a slave to Potiphar. Weil er am Satan somebody getting it. Joseph Lügen erzählen, als er von Potiphar gekauft wurde als Sklave. Ici, on voit que le diable voulait raconter à Joseph des mensonges quand il a été vendu. Amen. Amen. Look at you, you are a slave, you are poor, you are nothing. But the Bible said he was a prosperous man. Just like, you know, that serpent, Satan coming to Eve, through serpent, telling Eve that God does not want you to be like him. When Eve was already God. Genauso wie die Schlange. I hope you are getting it. Eva geredet hat, dass sie doch so sein soll wie Gott, obwohl sie gar nicht wusste, dass sie eigentlich schon Gott ist. Et tout comme ici, on voit que le diable voulait aussi mentir à Ève pour lui dire que oui, Dieu ne veut pas que tu puisses être comme lui, comme un dieu. Et Ève ne savait pas que elle était déjà dès sa création, elle était déjà un dieu. Amen. It's like also Elisha. Those that be with us are more than those that be with them. Genau, I don't get it. Genau wie bei Elijah, dass Elijah zum Knecht gesagt hat, dass die bei uns sind, sind mehr als die bei ihnen sind. Et tout comme Élie par exemple, il a dit à son servant que ceux qui sont avec nous sont plus que celui qui sont ici sur terre. Et c'était aussi son choix de voir, de se décider quoi voir, quoi considérer. Knowing who you are, knowing what you have is very important. De connaître qui tu es, connaître qu'est-ce que tu as, c'est vraiment très important. Amen. Mm-hmm. Knowing that heaven back you. Amen. You are never alone. You are never empty. You are never without Christ. It's very, very important. Wissen, dass der Himmel hinter dir steht, ist sehr, sehr wichtig, dass du niemals ohne Christus bist. De savoir que le ciel est derrière toi, est en train de te supporter, de t'encourager, c'est vraiment important de le savoir, de se rappeler de ça chaque fois. Knowing that, you know, whatever you bind on earth is bound in heaven. And whatever you lose here is losing heaven. wissen, dass es ist immer very, very important. Das, was immer du auf Erden you have the final say. Amen. Amen. Wissen, dass das, was du auf Erden bindest, auch im Himmel gebunden ist. Und das, was du auf Erden löst, auch im Himmel gelöst. Und wissen, dass du das letzte Wort hast, das ist sehr wichtig. Donc tu dois toujours savoir que tout ce que tu as lié sur terre est lié aux cieux et c'est aussi important de savoir ces faits-là parce que ça va t'aider dans ta vie quotidienne, c'est vraiment important pour que le diable ne puisse pas te confondre. Imagine if Elijah did not know that those that be with him are more than those that are outside. He will be crying, begging and looking for a way out just like you and me today. When problem comes to us, how we react to the problems? Are you getting it? We are so it's shaking us. It's making it, it's stealing our joy, our peace. But Elijah was unshakable. Elijah because he knows who. He knows that heaven back him. Amen. Are you getting it, please? Genau, und es war gut, dass Elijah wusste, wer hinter ihm steht, weil sonst hätte er diese Worte im Glauben nicht hätte sprechen können, dass die bei ihm sind, mehr sind als die bei ihm sind. Donc Élie était vraiment un bon exemple pour nous et on doit être comme lui parce que sa connaissance en ce moment-là où le servant lui a dit que ils sont nombreux, sa connaissance de dire que celui qui est dans ce monde et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde, mais nous sommes plus nombreux que eux, ça lui a vraiment aidé à être en esprit et à lui donner le courage. You know, in Hosea 4, verse 6, God never blamed destruction on Satan, but on lack of knowledge. Hat die Zerstörung nicht dem Satan zugeschrieben, sondern dem Mangel auf Anerkenntnis. On voit à Osée que l'Éternel n'a pas donné la faute destruction, mais il a donné la faute à la manquance de la connaissance. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Manque de connaissance. OK. We can say also that what destroyed Adam and Eve was lack of knowledge. On peut aussi dire que ce qui a détruit Adam et Ève, qui a causé la chute de l'homme, c'était le manque de connaissance. Amen. If they have known that they were already gods, amen. You know, immediately they will say you are a liar. Mm. I can get it. You know, just a line, and just a word can make you can wake somebody up and say no, this is not true. Are you getting it, please? Hätten sie gewusst, wer sie sind, dann hätten sie direkt ihn verweigert und hätten erkannt, dass er ein Lügner ist und er wäre verschwunden. Si, si par exemple, F avait compris que ce que le diable dit que ce sont des mensonges, elle allait dire au diable, mais qu'est-ce que tu racontes? Et le diable allait comprendre, oh ok, elle connaît la vérité, et puis il allait disparaître. Amen. Just like a man said, he said the Satan wanted to destroy him, and that do not that there was a pastor that was even demon himself. I was trying to tell him that he was going to come for years. Is it not? Yeah, for years. And I'm saying it. And later I now say something that opened his mind, that opened that, because that very place was the key. He said, God wants to put you into a coma so that you will not study his word. Mm. And this man said, God will never do that. Mm. This is Satan. I rebuke you, Satan. If Eve have known that they were already gods, amen. You know, immediately we tell Satan, what you are saying is not. And I know you are get behind me, Satan, because I know that I'm already God. Yeah. Amen. Knowledge is very important, please. Erkenntnis ist sehr wichtig. La connaissance est vraiment très important. Genauso wie bei diesem Pastor, der erklärt hat, dass jemand ihn offenbart hat, dass er dass er für mehrere Jahre ins Koma gehen soll. Und er hat das am Anfang geglaubt, weil er gedacht hat, okay, ich bin ein lebendiges Opfer für den Herrn, egal was der Herr von mir will, ich mache das, ich gehe da ein. Aber als dieser Pastor dann auf einmal meinte, ja, der Herr möchte, dass du in dieses Koma gehst, damit du eben nicht mehr in sein Wort gehen kannst, nicht mehr in die Bibel gehen kannst, wusste er, warte mal kurz, weshalb sollte mich der Herr von dem lebendigen, von seinem lebendigen Wort fernhalten wollen. Und dann hat er erkannt, dass diese Prophezeiung vom Satan war und hat das rejected. Ne? Und genauso hätte auch Eva erkennen sollen, dass diese Worte Worte eines Lügners sind und sie rejecten müssen, anstatt sie zu glauben. Amen. Tout comme par exemple, maman a dit qu'elle a connu, il y a un pasteur qu'elle a connu, et le pasteur disait que il voulait être un vaisseau vivant pour l'éternel, donc tout n'importe quoi l'éternel veut dans sa, pour sa vie, le pasteur va le faire. Et il y a un prophète qui est venu vers lui, il a dit que l'éternel veut que tu puisses entrer dans un coma pour ne même pas entrer dans un coma. Lui, il a accepté parce qu'il disait que bon, si Dieu veut que je puisse entrer dans le coma, je veux entrer dans le coma. Mais après, le prophète lui a dit encore, oui, il veut que tu puisses entrer dans le coma parce que comme ça, tu vas un peu t'éloigner de sa parole. Et lui-même, il s'est dit, mais ça n'a pas le sens. Comment, pourquoi Dieu voudrait que moi, je puisse être quelques années dans le coma pour ne pas étudier sa parole? Ça n'a pas le sens. Et puis, il a commencé à prier contre ce coma-là, contre ces mensonges-là, parce qu'il a connu, qu'il a reconnu, il a eu la connaissance que c'est que le prophète est en train de dire que ce sont des mensonges, tu vois. Et c'est pour cela, maman dit aussi que c'est comme des histoires comme ça, on doit aussi les reconnaître, on doit être capable à connaître les mensonges, les langages du diable et le rejeter, connaissant notre identité. Praise the Lord. Hallelujah. You know, as I was young, you know, we were taught that what you don't know cannot kill you or destroy you. That was what we were taught. That what you don't know cannot destroy you. Amen? It is yes and no. It is true and it is false. Und als kleines Kind hat man mir immer früher gesagt, dass das, was du nicht weißt, ist für dich keine, kann dich nicht töten sozusagen. Also wenn du unwissend bist, dann bist du sozusagen geschützter, als wenn du halt alles weißt. Das ist halt für dich tödlicher. Das ist einerseits wahr, aber einerseits ist es auch falsch. Moi, quand j'étais jeune, on m'avait appris que ce que tu ne sais pas ne peut pas te tuer, en fait. Non? Mais oui, maintenant j'ai compris que oui, il y a, ça peut être vrai, ça peut aussi être faux. Amen. Amen. Remember what Adam did not know. Satan used it to destroy him. Erinnert euch, das, was Adam nicht wusste, hat der Satan benutzt, um ihn zu zerstören. Rappelle-toi, ce que Adam et Eve ne savaient pas, le diable a utilisé ça pour les détruire. He did not know he was already God. Er wusste nicht, dass er schon Gott ist. Parce que Adam et Eve ne savaient pas qu'ils étaient déjà des dieux. And the other part that is, you know, one is yes, one is no. One is true, the other one is false. Amen. And the other part is what you know. If you do not know evil things, will destroy you. Und die andere Seite der Medaille ist, dass die bösartigen, weltlichen, fleischlichen Dinge, die du weißt, die werden deinen Glauben natürlich angreifen und die werden dich zerstören. L'autre côté de la connaissance est que si tu connais par contre, tu connais tout dans ce monde, ça va aussi te détruire et ça va aussi, oui, tu vas aussi tomber à travers toute cette connaissance que tu as, oui, tu as eu. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. It is better you don't have a pocket than having a pocket with holes. Es ist besser, keine Tasche zu haben, als eine Tasche zu tragen, die ein riesiges Loch hat. Alles, was du da rein tust, wird rausfallen. C'est pour cela que je vous dis aussi souvent que c'est mieux de ne pas avoir une pochette au lieu d'avoir une pochette qui a un trou parce que tu vas mettre ton argent dedans et tout va tomber. Like going to dead churches and learning religion. You are knowing. Your knowledge is being exposed to you. It's being revealed to you. You are sowing seed. You are knowing things, but it's evil things. Genauso wie in eine tote Gemeinde zu gehen. Du hörst dir diese Botschaft immer wieder an und es wird dich nach und nach zerstören. Und das Kleine, was du weißt, wird dir dann auch vom Teufel sogar weggenommen. Et c'est tout comme écouter, partir dans une église qui n'est pas vivante, qui est une église morte, qui te raconte des mensonges, qui te dit des histoires, oui, soi-disant, par exemple, Dieu veut que tu puisses entrer dans un coma, quelque chose comme ça. Ça va, tu vas écouter ça, ça va se raciner dans ton cœur et tu vas même mourir seulement comme ça parce que tu y crois, parce que tu ne connais pas la vérité. Praise the Lord. C'est un danger, en fait. Amen. Amen. A lot of things, we are born with sin, the nature of sin. But there are a lot of things we also learn here on earth, through one another, through places, through families. Wir sind alle mit einer sündhaften Natur geboren. Knowledge. Aber wir haben hier, als wir dann halt auf diese Welt gekommen sind, durch unsere Erziehung und durch unseren Umgang mit verschiedenen Menschen noch mehr an Erkenntnis gewonnen, teuflische Erkenntnis. C'est tout comme que nous sommes déjà nés avec une nature, déjà avec beaucoup de, nous sommes, des péchés, mauvaises, non? Et, mais quand on vit ici, quand on est en train de grandir, on est en train d'apprendre des histoires aussi mauvaises de ce monde. Mais nous, on pense que quelque chose, ce sont des histoires bien de ce monde, mais c'est contre le royaume des cieux, par exemple. On est en train de vivre avec ça, de grandir avec ces mentalités mondaines, en fait. Amen. Amen. If you look at children, you don't even learn to, need to teach them how to be envy of one another. They are already jealous of one another. Because the nature, that evil nature is always there. Wenn du dir Kinder anguckst, du musst dir nicht beibringen, wie man klaut, wie man eifersüchtig ist, wie man täuscht. Das ist einfach dann in ihnen drin, wie man nicht teilt, wie man geizig ist. Tout comme quand tu as des enfants, quand tu fais naître des enfants ici sur Terre, tu n'as pas besoin de les apprendre, oui, comment être jaloux l'un vers l'autre, comment mentir. Les enfants font ça d'eux-mêmes. Also, there are things that, evil things that we learn from one place to another. Amen. Tout comme il y a aussi des choses mauvaises qu'on est en train d'apprendre l'un de l'autre. It is better you don't have any pocket than having a pocket with holes. Es ist besser, keine Tasche zu haben, als eine Tasche zu haben, die Löcher hat. Encore une fois, c'est vrai, c'est mieux d'avoir une trousse ou bien des poches, de ne pas avoir des poches qu'avoir des poches avec des trous. I don't want to know everything. Ich will nicht alles wissen. Tout comme moi, je me dis que je ne veux même pas savoir. I only want to know what Christ wants me to know. Ich will nur das wissen, was Christus möchte, dass ich weiß. Je veux seulement savoir ce que l'Éternel veut que je puisse savoir. Praise the Lord. Hallelujah. Whatever he does not want me to know, he should keep them away from me. Was immer ich nicht wissen soll er von mir fernhalten. Ich will das nicht wissen. Amen. Tout ce que lui, il ne veut pas que je puisse savoir, je veux aussi que l'écarter de moi, je ne veux pas aussi le savoir. Amen. Amen. There are evil things that if you know them, we bring evil. Praise the Lord. Just like a pastor said, I shall have, you know, he said he did not grow up with his father. His father died when he was 8 years old. And there was nobody as a father for him. So for him, he did not know that if you don't have a father that take care of you, you are going to have a problem. So he did not have the problem. You know, people believe today that if you don't have a fatherly love, the father that take care of you, and you know, and now you are having a problem, they will see it as, oh, he's missing the father. They use it. Because people, Satan has a lot of excuse to give them why they are destroyed. Why he is destroyed, why they are being destroyed. Yeah. Are you getting it? Und es ist genauso wie bei einem Pastor, der mal erzählt hat, dass sein Vater ist verstorben, als er 8 Jahre alt war. Und er war ein ganz normaler Junge, ist ganz normal aufgewachsen mit seiner Mutter und hat dann später gehört, dass eigentlich hätte er gar nicht normal sein können, eigentlich hätte er Komplexe haben müssen, eigentlich hätte er depressiv sein müssen, weil er halt ohne Vater aufgewachsen ist. Und das ist halt das, was der Teufel halt will. Er möchte halt, dass du dann halt, also er wusste gar nicht, dass er eigentlich diese Probleme hätte haben müssen, weil er ohne Vater aufgewachsen ist. Weil das ist halt das ist, was die Welt einem halt sagt, dass wenn du halt keinen Vater hast, dann wird es safe sein, dass du dann Vaterkomplexe hast, du wirst, keine Ahnung, nur Interesse haben an älteren Männern oder du wirst die ganze Zeit, du wirst zu einem Schläger, du wirst sonstiges. Und du wirst, kiss somebody because you did not have a father. Du wirst homosexuell, weil du keine Vaterrolle hattest in deinem Haus. Die werden versuchen, dir so viele Sachen aufzudrücken, weil das einfach diese Mathematik des Satans ist. Mm. Ne, diese Gleichung des Satans ist. Und das muss man halt verweigern. Das ist halt dieses Wissen dieser Welt. Mm. Donc, tout comme un pasteur qui avait raconté que, vu qu'il est né sans père, il y a beaucoup de gens qui disent ici sur Terre que quand tu es détruit ou bien tu n'as pas un père, ils vont dire que bon, cet enfant, s'il grandit sans père, cet enfant va devenir, comment on dit, il va devenir criminel, homosexuel, il aura des complexes, ou bien une fille qui n'a pas vécu avec son père va devenir une pute ou quelque chose comme ça. Ce sont des histoires que le monde, c'est la logique, le logique du diable qui donne qui donne aux hommes. Et lui, par exemple, il a aussi vécu son père, mais il était normal en fait. Et il ne savait même pas. Il dit que peut-être parce que je ne savais pas que c'était comme ça, c'est pour cela que je n'étais pas comme ça. Parce que si je savais, par exemple, que ça devrait me donner des complexes, peut-être j'allais aussi y croire et avoir des complexes. Amen. You know, if you see somebody with cancer, you start, which part? Is it the leg? Is it the hand? Is it the breast? Is it the... You start checking your body before you know it. Are you getting it? Because, you know, the knowledge, that very thing you know, will expose you. Can even expose you to things. And that's why our prayer should be, Father, what you don't want us to know, help us never to know that. What you don't want us to hear, to see, never, don't allow us. Keep us away from them. Protect us from them. Ja, deswegen lasst sie vom Satan halt nichts erklären. Und auch diese Weisheit, diese Erkenntnis vom Satan, lass uns die halt verweigern, uns von diesen Weisheiten halt fernhalten. Weil sonst werden wir anfangen, uns mit der Welt zu vergleichen und sagen, okay, weil diese Person diese Krankheit hat, vielleicht werde ich sie auch bekommen, weil ich, keine Ahnung, ne, genauso lange Haare habe wie sie oder genauso eine Hautfarbe habe wie sie oder genauso Schmerzen am rechten Bein erstmal hatte wie sie. Und ne, man fängt an, sich halt zu vergleichen wegen diesem Wissen dieser Welt. Et tout comme aujourd'hui dans ce monde, il y a aussi beaucoup de gens qui se disent que oui, vu que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère était aussi morte ou bien elle avait aussi les maladies sur le cancer de sein, c'est pour cela il y a des chances que je puisse aussi les avoir, hein. Donc des histoires comme ça, ce sont des histoires que le diable a déjà programmé dans nos têtes à travers ce qu'on a connu, et ça reste dans nos têtes, et ça doit pas être ainsi. Amen. Praise the Lord. Amen. Again, Hosea 4:6. My people are destroyed for lack of knowledge. It is the knowledge of Christ and not the evil knowledge of this world. Mein Volk geht zugrunde von Mangel an Erkenntnis und nicht irgendeiner Erkenntnis, sondern die Erkenntnis von Christus. Donc, c'est comme Osée quand il dit que mon peuple périt par manque de connaissances, et c'est ça qu'on doit reconnaître et décider. Oui, et de décider de voir quelle connaissance on veut accepter dans notre vie, du diable ou de Dieu. The knowledge of Christ protects you from the knowledge of evil. Amen. Erkenntnis von Christus schützt dich vor der Erkenntnis des Bösen. Amen. Parce que la connaissance de Jésus-Christ nous protège de la connaissance de ce monde qui est vraiment mauvaise. Sometimes you know you are in a place of where you are exposed to the knowledge of Satan, but you just better go straight to the knowledge of Christ. Yeah. And remind yourself of who you are. Amen. Manchmal bist du auf der Arbeit und du wirst der Erkenntnis dieser Welt ausgesetzt, aber erinnere dich an Christus und quelquefois tu es au travail et le diable est en train de, avec sa connaissance, il est en train d'essayer de t'attaquer. Mais si tu es en train de méditer dans la parole de Dieu, par exemple, ça va te protéger de ses attaques. Like, you know, it's just like, you know, you cannot prevent a bear from flying over your head, but you can prevent it from making a net on your head. Genau, du kannst halt nicht einen Vogel davon abhalten, dass er über deinen Kopf fliegt, besonders am Bahnhof nicht. Aber du kannst dafür sorgen, dass er nicht auf deinem Kopf ein Nest baut und Eier legt. Et tout comme tu ne peux pas prévenir un oiseau de éviter. Hein? D'éviter. Éviter. Coupons-bois. Néné. peux pas éviter qu'un oiseau vole au-dessus de ta tête. Mais tu peux éviter qu'un oiseau fait son nid sur ta tête. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Are you getting it, please? Amen. Amen. Amen. Amen. You cannot prevent. You know, sometimes in your places of work, what you hear, what you see, you may not be able to prevent it or not hearing it because you are there. You are there. You understand me? But you can't. You can prevent it. You can stop it from building a net over you. I'm dominating you and now control your life, your joy, your peace, your rest, your health. Are you getting it? Genauso wie besonders auf der Arbeit, dass wenn du diese, wenn du gerade mit deinen Leuten zusammen bist und die über Dinge reden, sprechen, die von der Welt sind, du kannst nicht davor weglaufen sozusagen und das deine Kopfhörer anziehen vielleicht, sondern du hörst das, aber du kannst dafür sorgen, dass du das nicht mitnimmst, dass du das da lässt, das, was du dort gehört hast. Und es verweigerst mit der Wahrheit. Es ist deine Entscheidung. Et c'est tout comme quand tu es au travail, par exemple, tu peux écouter c'est que les mensonges de tes collègues, par exemple, tu peux même mettre des écouteurs ou tu as le choix à mettre tes écouteurs ou bien penser à la parole de Dieu ou bien tu vas choisir de les écouter ou laisser que ces mensonges puissent pénétrer dans ton cœur. Praise the Lord. Hallelujah. This is like watching film or this drama. Amen. If you are watching them, you are to be. You are. If you don't know the truth and you are watching them, it will give you problem. Yeah. You are getting it because they are going to plant seed into your heart. Mm. They are full of religion. Mm. They are full of laws. And if you it's like you going to work. Mm. They are full of religion. They are full of law. Mm. Whatever is coming out from them is dead. Mm. You can see it flowing everywhere. Amen. But you can prevent it from building a net inside you. Amen. And now occupying you. Amen. And controlling your life. Yeah. Just like you are watching film or whatever. You know that this is film and you don't allow it to control your life. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Und genau deswegen musst du halt die Wahrheit kennen, damit halt diese Dinge, die du halt siehst, ob bewusst oder unbewusst, keine so also kein Netz. News. Neuigkeiten, okay. Yeah. Besonders auch Nachrichten, dass diese Dinge kein Netz in dir aufbaut, sondern dass du es halt verweigerst. Aber dafür musst du halt die Wahrheit kennen, weil sonst wirst du wie ein trockener Schwamm sein, der alles aufsaugt, wenn du halt nicht erst voll mit der Wahrheit aufgesaugt bist. Ne? Mm. Deswegen musst du auch aufpassen, was du dir anguckst, je nachdem, wo du in deinem Glauben stehst. Et c'est tout comme quand tu regardes, par exemple, une série ou bien quelque chose à la télévision. Si tu ne connais pas la vérité, tu vas écouter ces messages, ces drames-là que tu vois ou bien quelque chose. Ça va t'affecter, en fait. Tu auras mal au cœur. Tu vas dire, ah, mboka baby. Tu vas dire, donc, tu vas te dire beaucoup des histoires. Mais si tu connais la vérité, tu sais qui tu es ou d'où tu appartiens, tu vas le regarder et tu vas remercier l'Éternel et que tu es dans un royaume qui n'a pas ses problèmes. Amen. Amen. You know, once you are watching them, you know, you can see the difference between religious people and Christ. It can help you. You understand me? If you know the truth. But if you do not know the truth, before you know it, you are acting like them. Und das, ne, das, was du dir anschaust, ob es das, was du dir anschaust, oder die Umgebung, der du bist, du, da muss halt diese Distanz zu sein, die halt nur durch die Erkenntnis von Christus entstehen kann. Damit, sonst wirst du so wie diese Leute sein und so wie diese Leute sprechen irgendwann. Et c'est pour cela aussi que quand tu vas voir que si tu regardes par exemple des séries sur à la télévision, tu vas voir si ça va t'affecter ou pas, parce que si tu es dans la vérité, tu vas commencer à voir, ça sera intéressant pour toi de voir comment les gens religieux sont en train de réagir et comment nous les enfants de Dieu dans notre royaume c'est qu'on pense. Mais si tu connais pas la vérité, tu vas commencer à voir que tu es en train de réagir comme eux, en fait. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Satan was after Genesis 1:26. Satan war hinter. Have dominion. The dominion of grave. Le diable, lui, voulait. Il était derrière la dominion que l'Éternel a donnée à l'être humain. Il voulait que. Il voulait que. Hein? Vous les régnez. Oui, mais comment on appelle des noms d'affaires qui sont quand même objectifs d'affaires? La réunion qui est ornée. Is it dominion? Et bon. Vas-y, il y a tout ce qu'il y a en français. Je vois tout ce qu'il y a en anglais. Il voulait le règne. Il voulait régner. Le diable voulait régner sur terre et il était derrière ça en fait. C'est une vague. C'est la 6 ou 26 dominion. Dominion, non? Amen. Bonne habité. En fait, il voulait régner sur terre et. Et c'est pour cela il était derrière ça quand il a vu Adam et Eve. Satan, his plan was to rule the earth. Le plan de Satan war die Welt zu regieren und er hat es geschafft durch Adam und Eva. Et il voulait ça vraiment jusqu'à ce qu'il a eu son but, il a réussi quand il a confus Adam et Eve. Amen. Amen. That we also thank the Lord for Christ Jesus. Amen. Amen. Wir danken dem Herrn für Christus Jesus. Mais on remercie l'Éternel pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Dominion means kingdom. Herrschaft bedeutet Königreich. De régner, ça signifie aussi avoir un royaume. Let them have dominion means let them have kingdom. Lass sie herrschen bedeutet lass sie ein Königreich haben. Avoir quand l'Éternel dit qu'ils doivent régner, ça signifie qu'ils doivent avoir un royaume. Let them become the king that dominates the earth. Lass sie zum König werden, der die Erde regiert. Tu dis qu'ils puissent être des rois qui règnent sur la terre. Kingdom, king and domain, dominion. Amen. Two words. Amen. Join together. Can see. Das Königreich. Also ein König und ein Reich, über das geherrscht wird. Ça signifie qu'il y a un roi qui est en train de dominer sur un royaume. He said, let us create man so that they not become the king that dominates the earth. Lass uns den Menschen erschaffen, damit er zum König wird, der die Erde regiert. On doit vraiment créer les êtres humains comme ça, à notre image, pour qu'ils puissent régner et dominer sur la terre. I will quickly explain this place, please. You know, I told you to read Genesis 1:26 and John 3:16. I don't know if you... Did any of you read it? If you read it, raise up your hand. Don't bother. Yes. Yeah. Amen. Genesis 1:26. On Wednesday, I said it. 1. Mose 1:26. John 3:16. Und Johannes 3:16. Wir hatten Hausaufgaben. On avait des devoirs. Est-ce que vous avez lu ça à la maison? Je vois qu'il y a personne qui l'a lu. Amen. Amen. These two places. Okay. Amen. We help you to know. You know. How the difference between the old and the new. Werden euch den Unterschied zwischen dem Alten und Neuen zeigen. Ça va vous les deux places que je vous avais dit de lire, ça va vous aider à voir la différence entre la nouvelle et l'ancienne domine. Alliance, voilà. You can see verse 26, it says let them have dominion over things. Amen. Lass sie herrschen über Dinge. Donc, chapitre 26, il avait dit que laisse l'être humain régner sur la terre. Then in verse 28, il said, let them be fruitful. Und 28 sagte, sie sollen fruitful. Fruchtbar sein. Et puis, verset 28, il a dit qu'ils puissent se reproduire. You are to know the difference between the old and the new. Tu dois comprendre et connaître la différence entre l'ancien et la nouvelle. You know, a lot of God people, they are still pursuing the old. Viele Kinder Gottes sind immer noch hinter dem alten Bündnis her. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui sont toujours derrière l'ancienne alliance. The old is supposed to pursue you. Aber das alte Bündnis. As you see Christ, the old. Sollte eigentlich hinter dir her sein, wenn du Christus suchst. L'ancienne alliance devrait courir derrière toi dès que tu as tes yeux vers Jésus-Christ. The old was dominion and the new. Let's go to John 3:16. Johannes 3:16. On va lire Jean 3:16 pour voir la nouvelle domination. John 3:16. Johannes 3:16. John 3:16. Jean 3, 16. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Jean 3, 16. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting Amen. Life. Amen. You can see what Jesus came for. It's different from have dominion. Es ist anders als Herrschaft. Ici, il est écrit car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est pour cela que tu es capable de voir que la nouvelle alliance, c'est pas comme l'ancien. L'ancienne alliance était qu'on puisse avoir, on puisse régner sur terre. Et maintenant, la nouvelle alliance à travers Dieu, c'est pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. You know, the old was about fighting, you know, laboring to have things, to have wealth, to have dominion. It's what you can achieve. Amen. But the new, it's, you know, it said everlasting life, eternal life. John 17:3 will help you to know what eternal life is. To know the only true God Amen. And Christ Jesus. Amen. To know. Now it's now the period of knowing the true God. The difference between Christ and Jesus. The difference between the only true God and God. Und im alten Bündnis ging es darum, um diesen Reichtum und diesen Wohlstand und diesen materiellen Reichtum des Erbens zu erlangen, sich zu vermehren, Kinder zu gebären. Aber im neuen Bündnis geht es darum, Jesus Christus kennenzulernen, den einzig wahrhaftigen Gott, Beziehung mit ihm zu haben, denn das ist das ewige Leben. Amen. Ici, on voit que dans l'ancienne alliance, il s'agissait de dominer ici, donc... Oui, de faire des œuvres ici. Mais dans la nouvelle alliance, c'est d'avoir la vie éternelle. Et si on voit dans Jean 17, qu'est-ce que ça signifie la vie éternelle? La vie éternelle, ça signifie de connaître le seul vrai bon Dieu et d'avoir une relation avec lui. Et ça, c'est le sujet de la nouvelle alliance. Amen. Amen. In John 17, verse 3, Jesus said to know the only true God and Jesus Christ. Meaning to know the difference between Christ and Jesus, the body and the flesh. To know what it is, to know that it is about the spirit and not the body. In Johannes 17,3 lesen wir, dass dieses ewige Leben halt diese Beziehung ist mit dem Herrn. Zu wissen, dass das ewige Leben nicht im Körper ist, sondern im Geist mit Christus. Donc, on doit comprendre que Jean 17, 3, tu peux le noter si tu veux, maman, c'est écrit que la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est ça, la nouvelle alliance. Et c'est ça qu'on doit, on doit vraiment avoir sur tête, en tête. Verse 28 of Genesis 1 talks about the fruit. You have to know the difference between the old fruit and the new fruit. Und in 1. Mose 28. Go there, please, so that you can. Genesis 1:28. 1. Mose 1:28. He said, are we there, please? Genesis 1, verset 28, on va y aller. And God bless them. I said unto them, be fruitful and multiply. Amen. Mm-hmm. Be fruitful and multiply. Seid fruchtbar und mehrt euch. Puis il est béni. Dieu bénissa la femme et l'homme. Amen. Et en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux. Oui. Are you getting it? Mm-hmm. You know, if you look at Paul, Paul did not achieve this. Aber Paulus hat das hier nicht erreicht. Mais si tu vois par exemple There Paul, was nothing to be fruitful. Naturally, that he was just alone. Er war nicht fruchtbar. Amen. Gesehen. Er hat keine Kinder gezeugt. Si par exemple tu vois l'apôtre Paul, lui, il n'a pas, il s'est pas reproduit. Il n'a pas fait des enfants. Il n'était pas nombreux. Amen. Donc Amen. Tu vois que sa mission c'était un peu différent. But that does not mean he does not have children. Mais ça signifie pas qu'il n'avait pas d'enfants. My son, the other my son, Titus, you know, praise the Lord. Alléluia. Il avait beaucoup d'enfants, des enfants spirituels. Il a dit, quand il écrivait les lettres, il écrivait Tite, mon fils, Timothée, mon fils. Donc, il les a adressés comme ses enfants, en fait. And replenish the earth and subdue it. That's what the people are still after today. Aber Leute sind immer noch hinter diesen Dingen her. Sie wollen Kinder zeugen, sie wollen Bereiche, Länder einnehmen und denken, dass das der Wille des Herrn ist. Mais les gens veulent toujours avoir ces histoires encore charnellement parce qu'ils pensent que ça consiste encore de nouvelles alliances. Mais c'était l'ancienne alliance. Mais Dieu n'est même plus derrière ça aujourd'hui. You see, have your children, have your babies, have your properties. To be educated, to be intelligent, to have wealth. What man and religion called achievement? Bildung, Reichtum, Kinder, sie nennen das Segen, sie nennen das, das ist der Wille des Herrn. Aber erkenne ich, dass es vom alten Bündnis ist. L'être humain veut toujours avoir encore plus de l'argent, des enfants, des, comment on appelle, d'intelligence, mais ils connaissent pas, ils reconnaissent pas, comme on vient de voir ici, que ça consistait, c'était, ça faisait partir de l'ancien alliance. John 15 talks about fruit. Johannes 15 geht es auch um Frucht. On va lire Jean 15. Il s'agit aussi des fruits. Verse 8. Verse 5, verse 5, John 15, that you bring much fruit, amen. Talks about fruit. Are you getting it? Amen. Verse 4 also talks about fruit. Verse 2 talks about fruit. There's fruit there. Then in verse 8, he said, herein is my Father glorified, that you bear much fruit. So shall you be my disciples. Praise the Lord. You're talking about fruit. Voici comment la gloire de mon Père se magnifie quand vous portez beaucoup de fruits et que vous montrez ainsi mes disciples. Donc il parle ici toujours des fruits. But what Christ called fruit and not what religion called fruit. Or man called fruit. Galatians 5. Donc je sais que Dieu appelle fruit et pas ce que l'être humain ou bien la religion appelle fruit. On va le lire aussi à Galates 5. Praise the Lord. Hallelujah. Galatians 5, 22 and 23. It's about the fruit of the Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Not the fruit. No, it did not say the fruit of the flesh, but the fruit of the Spirit. The fruit des Geistes. Christ is Spirit. God is Spirit. The fruit of God. God is Geist. Amen. Frucht Gottes. Donc, Dieu est un esprit. Il est esprit. Et ici, il s'agit aussi des fruits de l'esprit. What Christ called fruit is different from what man and religion called fruit. C'est que l'Éternel appelle fruit, c'est différent de ce que l'être humain ou bien la religion appelle fruit. Amen. Amen. Today is bearing the fruit of the Spirit. Heute geht es darum, die Frucht des Geistes zu tragen. Pour nous aujourd'hui, il s'agit de porter ou bien d'avoir les fruits de l'esprit. Amen. If you are having children, you train them in the ways of the Lord and help them to bear the fruit of the Spirit. Amen. Wenn du Kinder hast, sollst du ihnen helfen, die Frucht des Geistes zu tragen und nicht Donc ça signifie que tout comme quand tu as des enfants, tu dois les apprendre à porter les fruits de l'esprit et pas les fruits de ce monde, amen, ou bien de la religion. Amen. C'est que ce monde appelle les fruits, donc c'est une bonne éducation et des histoires comme ça. Amen. Whatever the Lord has for you, don't reject it, please. Was immer der Herr für dich hat, verweigere das bitte nicht. Tu sais que l'Éternel a pour toi, faut jamais le refuser. Amen. Amen. If you do not have, there is no way, you know, it's not coming. Then just, you know, whatever the Lord has for you, don't reject it. Was immer der Herr für dich hat, verweigere das nicht. Faut jamais rejeter ce que l'Éternel a pour toi. Amen. It can be there for you through many ways. Il kann da sein für dich durch verschiedene Wege. Parce qu'il peut être là pour toi à travers des chemins différents. The Bible says he's looking for the way to be there for you. Die Bibel sagt, dass der Herr deswegen sucht, wie er für dich da sein kann. Er ist ein Geist und braucht einen Körper. La Bible dit qu'il est en train de chercher des moyens laquelle être là pour être là pour toi effectivement. And that's why when we are sick, we still go to the doctor. Why? It's not the doctor that is taking care of us. It's Christ Jesus. Amen. That he need the body to go through. Amen. Zum Arzt gehen, ist nicht der Arzt unser Heiler ist, sondern Christus ist schon unsere Heilung und er braucht einen Körper, durch den er geht und er benutzt den Arzt als Werkzeug. Tout comme quand tu pars chez les docteurs, c'est pas ton docteur qui est la personne qui va te guérir, c'est Dieu qui te guérit. Il utilise juste le docteur pour te guérir à travers le docteur. Donc. You know, man, we are so single-minded. For us, it's all about just one thing. The Lord can see so many things out of one thing. Mm-hmm. Amen. For example, if the Lord wants you to have children, and for you, you just see that it's just about children. It's not. For the Lord, it's more than having children. Mm-hmm. It's about Him. It's about somebody to be there for Him. Also, are you getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Aber wir Menschen sind so engstirnig und setzen uns ein Ziel vor Augen und haben einen Weg und eine Weise, wie wir etwas machen und anders können wir es uns gar nicht vorstellen. Aber der Herr hat halt einen anderen Weg und darauf sollten wir uns einlassen. Mais nous les êtres humains, nous sommes vraiment très têtus. Quelquefois, on a des chemins dans notre tête et on veut pas prendre notre route. Mais normalement, c'est vraiment mal. On doit laisser que l'Éternel puisse diriger nos chemins et nos pas. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. We still got a little bit into that of God. But before then, the Bible talked a lot about sin. La Bible spricht viel über Sünde. Amen. La Bible parle beaucoup concernant le péché. In Romans 6, verse 22 and 23, said the wages of sin is death. In Römer 6, 22 und 23 sagte, dass die Wege des dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Amen. Dans Romains, la Bible nous dit que la récompense du péché est la mort. Amen. Amen. The word sin is an Hebrew word. Und das Wort Sünde ist ein hebräisches Wort. Le mot péché, c'est un mot hébreu. It means guilt of rebellion. Es heißt, dass man sich schuldig fühlt wegen der Rebellion gegenüber Gott. Ça signifie qu'on se sent coupable à cause de la rébellion qu'on a eue contre l'Éternel. It means man transgressed the agreement that God had with it. Der Mensch hat sozusagen die Vereinbarung. Der Mensch hat sozusagen die Vereinbarung, die Gott mit der Erde hatte, sozusagen übertreten. Donc ça signifie que l'être humain a rompu cet accord que Dieu avait avec la terre. Amen. Amen. Anytime you fight against your own authority, it is called rebellion. Immer wenn du gegen deine eigene Autorität kämpfst, dann ist das Rebellion. Toutefois, chaque fois que tu es en train de combattre contre ta propre autorité, c'est une rébellion. The word rebellion is the word sin. Das Wort Rebellion bedeutet Sünde. Le mot rébellion, ça signifie péché. It is not limited to lying, stealing, fornication, robbery, amen, and so many others. Adam did not lie, did not steal, but he rebelled against God. Und are you getting it? Sünde ist nicht nur in den Sachen zusammengefasst, die wir als Lügen, Stehlen, Betrügen kennen, sondern das, Adam. Das, was Adam getan hat, war auch beispielsweise eine Sünde. C'est que Adam a fait, donc le péché, c'est pas seulement mentir, voler ou je sais pas quoi, mais c'est que Adam a fait, donc de résister contre sa propre autorité, c'est aussi un péché. Amen. Sin simply means rebellion. Sünde bedeutet Rebellion. Le péché, ça signifie simplement la rébellion. Amen. If God is saying, if Christ is telling you this and you are saying that, that's rebellion. Wenn Christus dir eine Sache sagt und du sagst eine andere Sache. Si Jésus-Christ te dit quelque chose, mais toi tu dis quelque chose d'autre, tu dis oui, mais. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Rebellion means someone coming against a governing authority. Rebellion bedeutet, dass jemand gegen eine Regierung vorgeht. Rébellion, ça signifie que quelqu'un est en train de, oui, de résister contre un régime. Again, Romans 6, 22 and 23. For the wages of rebellion is death. Der Lohn der Sünde ist der Tod. La récompense du péché, c'est la mort. It means the pay that you get if you rebel against Christ's government is death. Das heißt, dein Lohn, den du bekommst, wenn du gegen die Regierung des Herrn vorgehst, ist der Tod. Ça signifie que la récompense que tu vas avoir si tu es en train de résister ou bien de faire une rébellion contre le régime de l'Éternel, c'est la mort. Amen. Amen. And so if you want to fix what Adam did, you got to deal with that. Viel oder was hast du gesagt? Fix. Okay. To fix, to put it, to correct it. Okay. Wenn du das. That's where Jesus comes in. Wenn du das, was Adam getan hat, wenn du das wieder gut machen willst, wenn du das wiederherstellen willst, musst du dich mit dem Tod auseinandersetzen. Et ça signifie, et c'est pour cela que si tu veux réparer ou bien, oui, si tu veux réparer, c'est que Adam et Ève, ils ont fait. Si tu ne veux plus faire partir de leur équipe là, tu dois, tu vas être confronté avec la mort. Praise the Lord. 1 Corinthiens 15. Verse 15. Amen. From verse 50. 50. 15, verse 15. Here he's talking about now 50. And later. Hier geht es um jetzt und später. Ici, il s'agit de jetzt et de maintenant et après. Amen. Amen. Amen. Amen. They are both for now and later. Es geht für jetzt und später. Donc, c'est pour aujourd'hui, pour maintenant et pour après. And here he's telling us that the only way to defeat death is by putting on Christ. Der einzige Weg, den Tod zu besiegen, ist, indem wir Christus anziehen. Et ici, ça nous fait voir que le seul chemin pour surmonter la mort, c'est quand on est on porte Jésus. From verse 50. It's now this I say, brethren, the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Neither doth corruption inherit incorruption. 51. Behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. 52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Praise the Lord. Verse 53. He said, for this corruptible must put on incorruption. Amen. Amen. You can see everything. The Lord is going to change everything in your life. They have come to him. And all the corruptible things must turn to incorruptible. I don't know if you are getting it. Amen. And even including your studies, including your properties, everything is going to affect them. Because you choose for them. Selbst unser Lernen, alles wird erneuert, weil wir für diese Dinge entschieden haben. Wir haben uns für Jesus entschieden, damit für diese Dinge entschieden, dass sie verwandelt werden durch Jesus. 1 Corinthiens 15, 53 nous dit en effet, ce qui est précisable, périssable, doit se revêtir de ce qui est impérissable. Ce qui meurt doit se revêtir de ce qui est immortel. Donc, dès qu'on choisit le chemin de l'Éternel, tout ce qu'on a, tout ce qui nous appartient, notre santé, nos études, nos travails, nos femmes, nos maris, nos enfants, tout ça, ça va se transformer en immortel ou bien en spirituel. Here he says, whatever you want to keep, give it to Christ. Was immer du behalten willst, übergebe es Christus. Et la chose, le moyen que tu peux le faire effectivement, c'est quand tu donnes tout ça, tout ce que tu veux garder pour toi, tu le donnes à Jésus-Christ. Yeah, he's saying you give some tikana to God, and when it's coming spirit. Amen. Das heißt, du gibst etwas irdisches, etwas fleischliches dem Herrn, und wenn es zurückkommt, kommt es geistlich zurück. Ça signifie que tu donnes quelque chose charnel à l'Éternel. Donc tout ce que tu veux garder, tu dois d'abord le donner à l'Éternel. Tu donnes quelque chose charnel à l'Éternel et tu le prends spirituel. Tu le reprends spirituellement. Yeah, he's saying you submit everything to Christ. You submit everything. Your studies, everything, submit them to Christ. And once you submit them, you know, just like Moses submitted that rod. And that rod coming back to Moses was no longer the natural rod. Your studies is no longer natural. Amen. Donc tout comme Moïse avec son bâton là, quand il a l'Éternel lui a dit donne-moi ton bâton, il a donné le bâton à l'Éternel. C'était d'abord physique, c'est devenu maintenant spirituel parce que ça s'est d'abord transformé en un serpent et puis ça s'est devenu encore un bâton normal. Oui, c'était aussi capable de diviser la mer. Donc on voit que le bâton, quand Moïse a donné ça à l'Éternel, c'était devenu surnaturel. Et ça marche aussi avec nos choses ici, par exemple aussi nos études. Quand nos études, par exemple, qu'ils étaient naturels, quand tu le donnes, tu le soumets à l'Éternel, ça devient surnaturel. And as God's children, you no longer work for man. If you are working in all these places, in different places, you work for Christ. Everything, you submit them to Christ. Für Menschen und für Christus, alles übergeben wir Christus. Et nous étant les enfants de Dieu, tout ce qu'on fait, même là où quand on travaille pas plus pour nos chefs naturels comme on le travaillait avant. Mais dès que tu es né de nouveau et tu as soumis ton travail à l'Éternel, ton chef c'est l'Éternel lui-même, c'est pas la personne physique que tu vois. How my daughter have been telling me, Tania here, you know, have been telling me that how the Lord have been changing everything that he has been doing, he has been having, they are everything. It's as if he take the old one and give the new one. Und genauso wie meine Tochter Tania auch erzählt hat, wie der Herr alles das Alte wegnimmt und es erneuert, ersetzt. Et tout comme ma fille Tania venait me dire que tout ce qu'elle avait avant, elle a vraiment l'impression que Dieu est en train de changer tout, de renouveler toutes les choses qu'elle possède. Like Jesus said in a place, he said, the old coming out and the new coming in. Das Alte kommt raus, das Neue kommt rein. Tout comme l'Éternel dit que l'ancien est entré sort et c'est le nouveau qui entre maintenant. You know, the old, when the old is coming out, it's as if you don't have anything, but you have the new. Die Wohnung erstmal leer ist, aber das Neue ist dann da. Parce que quand l'ancien part, c'est comme si tu n'as plus rien, mais le nouveau vient maintenant parce que c'est spirituel. The old can do nothing. Das Alte kann nichts tun. Parce que l'ancien ne peut rien faire. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. So when this verse 54, it said, so when this corruptible 54. Shall have put verse on 54. Incorruption, and this mortal shall have put on immortality, they shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Amen. Death, you know, death. Things of the flesh, they are dead. And they must be swallowed up through Christ. Are you getting a place? Verschlungen werden von Christus. Donc, oui. 1 Corinthiens 15, 54 nous dit que lorsque qui est périssable sera revêtu de ce qui est impérissable, et que ce qui meurt sera revêtu de ce qui est immortel, alors se réalisera cette parole de l'Écriture, la mort est supprimée, la victoire est complète. Praise the Lord. Donc la mort est supprimée, la victoire est complète. Amen. Amen. He said, "Death is swallowed up in victory." Der Tod ist verschlungen im Sieg. Amen. Without Christ, all things are dead. Ohne Christ sind alle Dinge tot. Donc, sans Jésus-Christ, toutes choses sont mortes. Amen. You submit them to Christ. You not allow Christ. You invite Christ into them. Amen. So that death can be swallowed up. a victory. Du übergibst alles, was du bist und hast Christus, damit der Tod verschlungen wird im Sieg. Donc tu dois d'abord tout ce que tu as est immortel parce que ça n'a pas Jésus-Christ. Maintenant tu dois donner à cette, toutes les choses que tu as, tu dois les donner la vie. Quand tu les soumets vers l'Éternel, comme ça la mort sera avalée et ça sera changé en victoire parce que Jésus-Christ il est la victoire. Verset 55, hold it, where is your sting? Verset 55. Amen. Where is your sting? Oh grave, where is your victory? Hmm. Why loser? Amen. Verset 55 nous dit, mort, où est ta victoire? He said, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Mm-hmm. Amen. But thank be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Yeah. Amen. Amen. We have victory through Christ Jesus. On a la victoire à travers Jésus-Christ. Amen. Amen. If Satan is bringing anything fear of death to you, remind yourself of Christ Jesus. Amen. Si le diable nous amène, nous apporte les fruits de la mort, nous, on doit se rappeler de Jésus-Christ, de la victoire qu'on a déjà en nous. Verse 58. Therefore, verset 58. My beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Labor to be living to the end. Arbeite darum, zu glauben bis zum Ende. Donc, verset 58 nous dit qu'on doit vraiment travailler, croire jusqu'à la fin pour l'avoir vraiment jusqu'à la fin. Praise the Lord. I think we will stop here. Amen. Amen. We will stop here and continue on Wednesday. À Mittwoch geht es weiter. On va continuer mercredi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen.